Amen. Est-ce que vraiment, quand nous chantons, nos cœurs prient le Seigneur que nos louanges puissent lui être agréables? Permettez, je sais que nous sommes passés dans la religion. Et dans la religion, on chante pour plaire aux lèvres, ou on chante pour montrer qu'on a une belle voix. Mais dans le Christ, notre Seigneur, le crucifié, les choses ne sont pas ainsi. Nous chantons. Ce n'est pas pour plaire à un homme, mais c'est pour que ce grand glorieux roi se réjouisse de nos louanges. Est-ce que c'est comme ça que nous chantons? C'est pourquoi l'Écriture dit, si on est dans la joie, si quelqu'un est dans la joie, il chante un cantique, parce que ses louanges, c'est fait pour glorifier le Seigneur. Les actions de grâce, les fruits de nos lèvres venant d'un cœur pur. C'est comme ça que nous devons appliquer nos cœurs à louer notre Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons en aucun cas copier les religieux et ni sortir de la religion avec le corps, mais avoir toujours l'esprit de la religion. Non. Nous sortons de la religion avec le corps, l'âme et l'esprit. Et on se confie au Seigneur, corps, âme et esprit. C'est pourquoi tout notre être lui appartient. Et si cela lui appartient, nous devons toujours faire ce qui lui est agréable. Parce que, bien aimé, les louanges dans les Écritures nous montrent qu'on peut chanter comme ça. Ce grand roi se réjouit et nous fait encore davantage la joie pour toujours le célébrer. Alléluia. Amen. On chante encore un quartier, n'est-ce pas? Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Jésus. Oh, quel beau nom. Quel beau nom. Dans lequel se trouve la miséricorde, la compassion. Le seul nom qui est lent à la colère est riche en bonté. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné sur la terre, dans les cieux, sous la terre et sous la terre, par lequel on est sauvé et on a accès auprès du Dieu vivant. Nous devons de temps à autre aimer et honorer le merveilleux nom de notre Seigneur. Nous devons de temps à autre aimer et glorifier ce nom. Car les autres bien-aimés frères, dans toute l'Écriture, quelqu'un comme le bien-aimé David, avait pour habitude, en fait, le nom de l'Éternel était sa force. Le nom du Seigneur était sa force. Il pouvait crier, quand il voit les ennemis, là, il dit, Jimmy, oh l'Éternel, et les ennemis se dispersent. Parce que c'est là-bas qu'il se confie. C'est là-bas qu'il se trouve en sûreté. Remarquons bien quelque chose, bien aimé, c'est que tout le monde peut prononcer le nom du Seigneur Jésus. Tout le monde. Mais seulement ceux qui se confient en ce nom, quand ils le prononcent, il y a effet.

Donne-nous de te connaître. Donne-nous de te célébrer. Donne-nous de te louer comme il se doit. Donne une lèvre pure pour nos pères de gloire. Un cœur pur pour t'invoquer. Donne-nous de te chercher en esprit et en vérité. T'adorer comme toi tu veux. Car nous ne pouvons pas t'adorer par notre chair et t'être agréable. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, que notre cœur t'exalte, te célèbre, t'adore chaque jour de notre vie. Comme nous respirons chaque jour quand nous dormions même, quand nous dormions, que notre cœur te célèbre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets chaque pensée ici maintenant sous ta direction. Je soumets chacune des personnes, Père de gloire, devant ton trône maintenant, afin que tu aies un regard favorable pour nos pères. Si ici trouve n'importe quelle iniquité dans nos vies, Père, que ta miséricorde parle en notre faveur. Et que le sang que tu as versé à la croix parle pour nos péchés. Ce sang qui se tient devant ton trône maintenant, Père de gloire, qui parle en faveur de ton peuple. Alors que le Seigneur se tient à la droite, Père, pour intercéder pour nous. Que ce sang parle en notre faveur au nom de Jésus-Christ, plus que les accusations de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que les téléphones sont éteints. Parce que nous allons prier. On n'a pas commencé. On va prier. Mais il faut que je vous présente d'abord la parole. On va prier. Mais avant cela, je veux que vous... On essaie de parler d'une certaine chose. Là, savoir écouter la voix de Dieu. Je vous explique quelque chose. Écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous pouvez savoir quelle est la différence quand un homme parle ou bien quand Dieu parle au travers d'un homme? Est-ce que vous pouvez savoir la différence? C'est-à-dire que quand Dieu parle au travers même d'un enfant et vous donne des conseils, est-ce que vous pouvez savoir si c'est Dieu qui a de parler? Donc il faut qu'on comprenne ces choses, d'accord, frères et sœurs? Donc vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Amen. J'espère que vous serez connectés à lui ce soir. Donc on va prier. Vérifiez que les téléphones sont éteints afin que nous travaillions. Donc, je vais vous donner les versets bibliques, les passages sur lesquels nous allons travailler et puis nous allons prier. Comme ça va venir. Donc, préparez-vous. Comme ça va venir, je vais vous donner seuls les chapitres. Je vais vous donner seulement les chapitres. Quand le moment venir, il va entrer tel qu'il veut dans ces différents passages. Et par la suite, on va prier. Par la suite, on va prier. Par la suite, on va prier. Merci, Père. Par la suite, on va prier. Que le grand Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Donc, si vous êtes prêts, je vous donne les versets. Jean chapitre 3. Jean chapitre 12. Les versets sont là, je vais vous donner les versets. Quand on va venir pour travailler là-dessus, mais je vais d'abord parler. Jean chapitre 3, Jean chapitre 12, Jean chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 6. Ne ratez pas vraiment cela. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous avez noté? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean. Jean chapitre 3. Josué chapitre 24. Donc nous allons lire les passages là tout à l'heure, selon que le Seigneur va nous guider dans l'une, dans l'un ou dans l'autre passage. Et nous allons prendre le sujet. Notez Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Vous avez noté. Éphésiens chapitre 6. Donc j'ai donné Jean chapitre 3, Jean chapitre 12, Jean chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 6. C'est ça, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3, c'est ça? Éphésiens chapitre 6, Josué chapitre 24. Corinthiens chapitre 6, c'est ça? Voilà. Donc on va parler et puis on va prier. Notez Luc chapitre. Je sens que si ça commence à venir comme ça, c'est rythme là, ça ne doit pas s'arrêter là maintenant. Notez Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Soyez vraiment respectueux maintenant. Luc chapitre Vous savez, avant, on va prier concernant ce domaine avant d'avancer. C'est une chose que de lire la Bible. C'est une chose que de chanter. C'est une chose que d'aller à l'église, comme on dit. C'est une chose que de professer être chrétien. C'est une autre chose que de... Je crois que ce téléphone était... C'est une autre chose que de vivre la vie de Christ. C'est-à-dire que la vie qui est là, pour qu'on puisse noter Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 et Jean chapitre 10. Le moment viendra, il citerait les versets qui s'y trouvent. C'est une autre chose dont de vivre cette vie-ci. Il y a deux raisons qui peuvent être les raisons principales qui peuvent pousser aux gens de ne pas pouvoir vivre cette vie-ci, d'accord? La première chose, c'est l'état de notre cœur, c'est-à-dire les motivations qu'il nous donne dans le cœur. C'est que nous avons comme, dans, sur le cœur comme motivation, c'est-à-dire, est-ce qu'en réalité nous aimons le Seigneur et nous voulons lui être agréables? Voilà l'une des choses. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes vrais à l'intérieur? Est-ce que nous voulons vraiment marcher comme Dieu veut? Si nous voulons vraiment marcher comme Dieu veut, alors nous sommes déjà sur la ligne de départ pour marcher avec lui. Vous suivez ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, je dis qu'il y a deux choses principales. La première chose, c'est est-ce que notre cœur est vrai? Vous savez, on peut voir, regardez dimanche quand les gens vont à l'église, comme on dit, regardez tout le monde, chacun porte la Bible, regardez le prêtre, il est en soutane, regardez tout le monde, il est, tout le monde est en dimanche, comme on dit. Mais certains d'entre vous connaissez les gens qui vivent dans l'iniquité, bien qu'ils ont là-bas. Alors la question c'est, quand cette personne porte cette Bible où on a écrit en première que les couvertures, la Sainte Bible, on appelle ça les Saintes Écritures. C'est-à-dire que la parole que Dieu a envoyée pour montrer quelle est sa voix, qu'il veut que nous sachions comment vivre pour lui plaire. N'est-ce pas frère? Et quelqu'un porte ça, prêche même ça, mais vit dans l'iniquité. Il n'y a pas plus hypocrite que cela. Ça vaut la peine de déposer cette Bible-là de côté et continuer cette vie-là que de se tromper. Nous sommes d'accord. Donc, c'est une vie d'hypocrisie que de porter la Bible ou bien de faire la profession d'être chrétien. C'est-à-dire, dit de la bouche qu'on est chrétien, mais qu'on ne vive pas la vie qui s'y trouve. Donc, il y a un problème avec le cœur. Le cœur doit être... On doit reconsidérer notre façon de penser. Je suis pas encore... Je crois que toutes ces choses que nous allons parler... On va entrer dans ce couloir-là tout à l'heure pour développer. La deuxième chose, donc, je dis qu'il y a deux socles principaux qui peuvent causer ce problème-ci. La deuxième chose, ce sont les forteresses, notre background, qui sont causées par les esprits. Suivez-moi attentivement. Donc, les esprits peuvent être cause de ces choses-ci. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a un cœur qui aime Dieu, ça veut dire que notre première condition est respectée. Il peut avoir d'autres choses, les esprits, qui sont là pour en découdre avec lui, pour qu'il n'avance pas avec Dieu. Ici, il y a la puissance du nom de Jésus-Christ pour faire soumettre ceci. Mais l'autre, le premier là, il n'y a pas le nom de Jésus qui ne peut rien faire cela parce que c'est votre propre volonté que vous devez savoir. Chacun doit être vrai d'abord dès le départ pour commencer. Vous suivez, n'est-ce pas? Le nom du Seigneur Jésus-Christ a été donné pour combattre la puissance de l'ennemi. Donc si la puissance de l'ennemi est là pour faire obstacle à quelqu'un qui veut suivre Dieu, ça veut dire que cette personne est en bonne position pour être libérée. J'espère que vous comprenez. Mais il faut pas que quelqu'un soit dans l'un des camps, dans ces deux côtés, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas suivre Dieu, qui ne veut pas marcher comme Dieu veut, mais qui a encore les esprits. Ça ne sert absolument à rien de libérer ces personnes-ci. Parce que même si on le libère de l'esprit, lui-même, il est captif de lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Deux problèmes principaux. Un, le cœur doit être droit pour pouvoir suivre le Seigneur. Si votre cœur n'est pas droit, déposez la Bible de côté. Sinon, vous allez faire du mal avec cette Bible-là. C'est ça que je parle chaque fois qu'il y aura des surprises au jour du jugement. Vous voyez dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. N'est-ce pas ma chère? N'est-ce pas mes frères? Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que c'est dans le groupe qu'on dit Seigneur, Seigneur. C'est dans ce groupe-là qu'il y a des gens qui vont entrer. Ceux qui ne disent pas Seigneur, Seigneur, ça ne les concerne pas d'abord. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc ils n'ont pas été rachetés. C'est dans le groupe maintenant qu'on appelle chrétien que se trouve le problème. Et donc, si Jésus dit notre Seigneur, s'il dit pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront ce jour-là, il y a un problème. Dans ce cas, pourquoi certaines personnes disent Seigneur, Seigneur, ils vont entrer? Et certaines personnes qui disaient aussi Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Alors il y a un problème, il faut que ceux-ci se posent la question, pourquoi donc ils disaient aussi Seigneur comme les autres, mais ils ne sont pas entrés. Vous voyez? Alors le Seigneur a dit que plusieurs me diront en ces jours-là, et ça va nous dire que les gens doivent, sont sur le, dans le cadre religieux comme ceci, mais ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Si Jésus dit, ils vont se tenir devant le Seigneur, jusqu'à se tenir devant son trône, ils vont venir dire à Jésus que Seigneur, n'avons-nous pas fait le miracle? Ça suppose qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils ne savaient pas véritablement Jésus. Je ne sais pas qu'on se comprend. Parce que si c'était conscient qu'il ne savait pas le Seigneur, il ne dirait pas cela. Il saurait qu'effectivement, qu'il était dans le faux. Donc, les gens sont trompés. Manipulés. Il ne dit pas tous ceux qui me disent Seigneur, ils n'entreront pas. Il pourrait après se dire que vous me direz, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom, fait des guérisons en ton nom, des miracles, des prophéties par ton nom? Il dit, je les dirai ouvertement. Donc, ce sera en public. Ouvertement que, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, donc les hors la loi, les gens qui ne marchent pas d'après les règles que Dieu a établies. Alors c'est que chacun doit vérifier vraiment, oui ou non, si il est dans la cause. C'est-à-dire que s'il a mis sur la ligne droite des Écritures. C'est pour cela que quand les gens ne comprennent pas, ils disent que non, il ne faut pas dire ces choses-là. Parce que tu vas frustrer les gens, ça vaut la peine qu'on vous frustre maintenant. Parce que ici, tu peux changer. Quand tu seras devant lui, il n'y a plus de possibilité de changer. Là-bas, c'est la sentence. C'est pour cela que faites du mal à vos prochains en leur disant la vérité. Faites-leur du mal. Je vais encore le dire, ça pour vous cesser trop effectivement. Faites du mal, surtout à ceux qui tiennent la Bible entre les mains. Faites-leur du mal. Qu'ils entendent ce mal que vous voulez leur faire en leur disant la vérité. Dites-leur la vérité. Que si vous ne lisez pas selon ces paroles, si déposez la Bible là. C'est ça. Parce qu'avec ça, ça peut leur remédier. Mais lorsque le jour ils auront fermé les yeux, cette parole de l'écriture là va s'ouvrir. Seigneur, j'étais ancien de l'église. J'étais même, c'est moi qui collectais l'argent de l'église. C'est moi qui ouvrais la porte de l'église le matin. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est pour tester pour vous. Voici ce que ma parole disait. Le Seigneur dit que si quelqu'un rejette la parole, il a son juge. C'est la parole qui a été annoncée. Donc, le Seigneur, comme la parole est annoncée là-dedans, verset après verset va arrêter les gens au jour du jugement. Comme vous avez vu, une femme ne couchera pas avec une femme. Avec une femme. Comme c'est écrit là, le jour que quand une femme qui a accouché avec une femme va se présenter, normalement, c'est ça qui va ouvrir. Une femme ne couchera pas avec une femme. C'est ça qui va l'arrêter. Il va avancer seulement. C'est ici. Mais pour les lâches, les incrédules. Donc je fais n'importe comment, je ne crois pas Dieu. C'est le pire des péchés là-bas, si vous voulez saisir. Le pire des péchés, c'est d'être un incrédule. Vous ne pouvez pas sortir, vous en sortez. Parce que tant que vous avez l'incrédulité, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Tous les autres péchés ramifient à partir de là. Tous les autres péchés. Parce que si vous croyez Dieu, vous aimerez son votre prochain. Parce qu'il a dit que vous aimerez vos prochains, vous, les uns les autres. Vous me saisissez. Donc si tu aimes ton prochain, c'est que tu ne dois pas, tu ne peux pas être incrédule. Si tu es incrédule, tu ne dois pas faire ces choses. Si tu es incrédule, tu ne mentiras pas. Si tu es incrédule, tu ne commettras pas une adultère. Parce que tu crois que Dieu a dit que l'incrédulité. Vous suivez? Le Seigneur Jésus a dit à vos juifs que si vous ne croyez pas que c'est qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc ça veut dire que le péché va caler sur vous. Or, si vous péchez contre Dieu, qui peut donc le défendre? Vous suivez, n'est-ce pas? Deux choses. Un, le cœur doit être. On doit vérifier nos cœurs. C'est-à-dire quand vous êtes seul à la maison, c'est pour ça que les gens se cachent derrière les pasteurs. Ils croient que le fait que tu aies un pasteur qui prie, les gens tombent ou bien vous êtes derrière comme ça, vous chantez chaque dimanche, que c'est ça le problème. Dieu va appeler quelqu'un individuellement. Le jour où on va ouvrir, comme ça, pam, on t'appelle que Mireille, entre en scène, tu entres en scène. Là, c'est ton livre. La Bible déclare que les morts, la mort rendit les morts qui sont dans le celui de mort, la mère rendit les morts qui sont dans le. Et chacun, on n'a pas dit tout le monde, on a dit et chacun fut jugé. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert dans ce livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Vous me suivez? On dit que et chacun fut jugé d'après les œuvres qui étaient écrites dans ce livre. Vous suivez ça? Dont les résultats. Souvenez-vous de Malachie chapitre 13, 3, nous avons lu ici, verset 13. Que deux personnes sortaient du culte et parlaient, que d'autres connaissaient. C'est avant que nous avons servi Dieu, nous avons lavé nos mains dans l'innocence. Nous avons tous les promis chaque jour, alors que les mondains sont restés dans nos points. La Bible déclare que l'Éternel fut attentif à ce qu'il disait. Et Dieu a commencé par dire vos paroles sont rudes contre moi. Et vous dites qu'en quoi est-ce que nos paroles sont rudes? Parce que vous dites que c'est en vain que nous servons l'Éternel. Il dit que Dieu fut attentif à ce que disaient deux personnes qui sortaient de lieu de culte. Ils sortent du lieu de culte, ils savent que les choses ne vont pas bien. Ils commencent à dire que nous aimerions bien être comme le monde. Ils ont de la voiture, des maisons et autres là. Mais nous l'avons nommé dans l'innocence. C'est-à-dire que nous vivons dans le. Comme Dieu dit, mais rien ne semble pas marcher pour nous. Dieu n'a pas dit qu'on lui obéit pour qu'il nous donne le matériel. C'est pas ça. Il n'a pas dit cela. Vous ne dites pas, votre enfant dans le monde ne vous respecte pas pour que vous lui donnez le vélo, pour que vous lui donnez le cadeau. Ce n'est pas pour cela. Ça, ce sont des choses subsidiaires quand tu es content. Vous me suivez? C'est vrai ça, frère? Vous ne dites pas à l'enfant que si tu l'aimes, je vais te donner le manteau. Pour qu'il fasse n'importe quoi, donc ça veut dire que chaque fois dans ce que tu veux cela, votre enfant va vous obéir uniquement parce qu'il attend quelque chose de vous. Dieu ne veut pas de telles choses. Dieu veut l'intimité. C'est pour ça que vous voyez le parent souvent joue avec son enfant, va courir avec son enfant, se promener avec son enfant. Quand il fait comme ça là, ce n'est pas lié à quelque chose. C'est tout simplement parce que son enfant, il y a quelque chose qui est lié à l'amour. Me suivez? C'est cette chose-là que Dieu attend. Donc, alors, c'est Dieu ici de Malachie chapitre 3, sauver cet enfant. C'est Dieu ici de Malachie chapitre 3, verset 13. C'est disait donc que nous servons Dieu, mais sans rien ne semble marcher pour nous. Et nous aimerons mieux être comme le monde. La Bible déclare qu'un livre de souvenirs, fut écrit auprès du Seigneur. Donc, toutes nos paroles, tout ce que nous disons comme actions sont écrites devant de lui. Voyons que ça ne sert à rien de se cacher. Donc, ce soir, on va mettre à nu les œuvres de ténèbres de nos vies. Et prier s'il y a les esprits là qui sont cachés derrière, qu'ils soient chassés. Si vous êtes d'accord, on va avancer ici. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je veux que le premier point, que vous compreniez bien le premier point. Le premier point, c'est ceci. Si je suis à la maison et que je dis que je suis chrétien, il faut que je sache que ma vie chrétienne n'est pas comprise selon les autres, mais selon la parole. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que je ne suis pas chrétien par rapport à quelqu'un. Si quelqu'un ne vit pas la vie chrétienne, c'est son problème. Quand la personne va venir devant Dieu, Dieu va donner la sanction, il y a affaire. Il faut que moi, je fasse tout et tout pour être en règle avec le Seigneur. Parce que je ne suis pas en règle avec quelqu'un, en règle avec le Seigneur. On se comprend? Alors, c'est pour ça que vous voyez quand quelqu'un dit, oh, la Bible déclare par exemple que la femme ne permet pas à la femme d'enseigner. Quelqu'un laisse, c'est ça qui est écrit dans la Bible. La personne ferme la Bible. Il promène son doigt comme ça. Tu penses que la femme là va... C'est pas ça. C'est la parole comme c'est dit là. C'est cette écriture qui sera mise au devant de lui. J'avais dit que la femme n'enseignera. Non, ça n'en va pas. Vous dites, c'est un péché, oui, c'est un péché parce que c'est une désobéissance. Toute désobéissance est un péché. Toute désobéissance est un péché. Et tout ce qui est donné comme ordre dans la Bible, c'est un commandement. Non, si tu désobéis, tu as péché. Vous dites, la femme ne doit pas prier. Non, hier, ce n'est pas important. On dit juste dans le monde, est-il convenant qu'une femme prie? La femme doit. Vous voyez cela? L'homme ne doit pas. Donc, s'il le met sur la tête, il a péché. Pas vrai? La femme doit. Si c'est doit, c'est un corps. Commandement. Si elle faute, c'est un péché. Alors vous allez penser, est-ce que c'est important? Donc Dieu dit que c'est quelque chose qui est important, qui est un commandement. Quelqu'un, un être humain sur la terre, dit ce n'est pas important. Donc il croit peut-être que Dieu a donné le libre cours sur les gens sur la terre que vous pouvez prier comme. Et la Bible déclare, Jésus en vous-même, est-ce qu'il est convenant qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle ne vous enseigne pas. Donc Dieu a, depuis l'éternité, mis quelque chose dans la nature pour montrer que la femme, plus tard, quand elle va prier, Dieu doit se voir. Voilà. Que l'homme doit pas avoir le long chez. Il y a des filles, des garçons aujourd'hui au milieu de l'église avec le rasta et les boucles d'oreilles. On ne dit absolument rien que Dieu est amour. Vous dites, les gens disent que non, on est sous la grâce. Alors que c'est sous la grâce qu'on écrit ça. Alors ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il faut qu'on vérifie si notre cœur est prêt à suivre le Seigneur. Je vous le dis au nom de Jésus Christ. C'est pour ça qu'il vous dit, c'est mieux d'être sincère avec le Seigneur étant dans le faux. Si vous êtes dans le faux, soyez faux, vrai. Il dit, si vous êtes dans le faux, soyez votre faux vrai. Oubliez ça, soyez vrai, vrai dans le faux. Que de faire comme ça, comme le canard qu'on a cloné. Non. Soyez vrai dans le faux, ou bien vrai, vrai dans le vrai. Autrement dit, choisissez votre temps, véritablement. Amen. Donc, il faut que je répète tout cela tout à l'heure, avant qu'on va prier. Voici le frère Haché. J'aimerais que le frère Haché, parce que je t'en ai parlé de la voix de Dieu tout à l'heure, je vous ai parlé de. Est-ce que vous pouvez discerner la voix de Dieu dans l'homme? Dites bonsoir, frère Haché. Encore? Bonsoir, frère Haché. Dites, frère Haché, tu es la bienvenue. Frère Haché, tu es la bienvenue. Ici, on a fait le Congo, ça, sur ton nom. Ici, on a fait le Congo. Que tu devais venir nous donner ton témoignage. Tu veux venir ton témoignage. Te voici aujourd'hui, parle-nous. C'est ça, non? Donc, voici le frère, bienvenue. Merci. Parle au milieu de la semaine parce que l'une des choses que, c'est, selon les aspects de ton témoignage, c'est ce qu'on va voir, on va développer. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il y a deux socles. Un, qui consiste en nous-mêmes, notre vérité sur le cœur. Deux, il y a quelque chose. L'esprit peut. Vous savez, je vais venir développer ça tout à l'heure. Après, quand il va parler, je vais développer vraiment cela. Vous savez ce que je vais dire. Oui, frère, comment tu es arrivé au milieu de nous? Comment tu es venu à bord à me connaître? Que la paix et la grâce de notre glorieux Seigneur soit avec vous. Voilà. Comment je suis arrivé au milieu? Bon, je vais dire directement comment j'ai fait pour le rencontrer. Je ne l'ai pas rencontré parce que j'ai choisi le rencontrer ou bien parce que j'ai imaginé ou un jour projeté quelque chose. Non. Oui. Il fut, bon, Je vais tracer un peu. Depuis un certain temps, 2005, le Seigneur a commencé à me traiter, en fait, à me faire comprendre que je devrais le chercher, je devrais marcher dans ses voies. Bon, j'étais rebelle. Rebelle de ce que je ne discernais pas la voie de l'esprit. Alors, je pouvais marcher comme ça. Il y avait des circonstances qui me coinçaient et j'invoquais Dieu, il m'exauçait. Quand il m'exauce, je rentre, je suis dans la joie. Du lieu où il m'a exaucé jusqu'à ce que je retourne à la maison, je suis content. Je dis, oh Seigneur, tu es bon pour moi. J'ai dit, bon, il me faut te connaître. Bon, quelques jours, j'oublie. Je passe à autre chose. Bon, je peux donner deux cas. Il me fait un jour que je suis sorti avec la moto. Cela m'a coincé. J'ai tout fait. Je n'avais pas de possibilité. Donc, je me suis tenu au carrefour. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi que je sache Dieu. Attends, je te pose la question. Parce qu'il faut que je pose pour vous comprendre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es chrétien, tu parles à l'église? Non, pas du tout. Je suis un bon mondain. Qu'est-ce qui te fait dire, oh Dieu? Je ne peux le savoir. Bon, ce que je peux dire, oui, je peux dire, c'est que mon père, à la maison, nous enseignait toujours quelque chose. Que Dieu existe. Et il nous avait interdit formellement que ne versez jamais le sang de quelqu'un. Donc, il nous disait chaque fois que quiconque verse le sang, Dieu va le retrancher. Ce qui fait que nous, on craignait Dieu à cause de ce que lui, il y avait des choses qu'il voulait faire, même s'il veut te frapper. Tu dis, papa, pardonne mon nom de Dieu. Il laisse tomber le bâton. Il dit, tu as dit quoi, Dieu? Bon, voilà des petites choses qui me donnaient à savoir que frère, Dieu existe. Mais il arrivait que ces choses arrivent comme ça. Quand je suis coincé, je l'invoque. Tu l'invoques, oui. Et là, maintenant, tu es au carrefour. Oui, j'étais au carrefour, la moto était bloquée. J'ai tout fait. J'ai même essayé de porter la moto sur mon épaule. Bon. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi que je sache que tu es vivant. Tu as dit que quelqu'un est coincé, t'appelle, tu vas répondre. Aide-moi, j'ai besoin d'être là où je me trouve. Quand je dis comme ça, je vous le rassure, j'ai entendu Cathy dans la main. Et j'avais un trousseau de clés. J'ai dit, mais je n'ai que des trousseaux de clés, à quoi ça va me servir? J'ai encore entendu ces trois ans. J'ai regardé les clés, j'ai dit, mais qu'est-ce qui peut bien quitter sur les clés ici pour m'aider? J'ai regardé, il n'y avait rien. Mais j'avais cette chose-là en moi qui me disait que ça va marcher. Et dit que, ok, comme tu as dit, je le fais. Je me suis assis. Et là, tu ne te poses pas la question, mais qui a envie de me parler? Non, je ne pose pas les questions. C'est merveilleux, là. Je chrétien. C'est merveilleux, tout simplement, la voix de Dieu. Donc, je dis, qu'est-ce qui peut quitter ici pour m'aider? Je regarde la moto, je regarde. Je constate que j'ai le taillon qui était gâté. J'ai vu ça, j'ai enlevé, il y avait un couteau. J'ai sorti ce couteau, j'ai mis là, j'ai fait quoi, tout est tombé, quoi là là, la roue était libre. Je me suis prosterné, j'ai levé les mains vers le ciel, j'ai dit, oh, cela est vrai, tu es vivant, voici tu m'as exaucé. Bon, j'étais dans la joie, j'ai démarré ma moto, bon, les louanges m'étaient données. Je louais Dieu comme ça. J'ai chanté jusqu'à la maison, j'ai garé ma moto, appelé mes voisins, dit que, mais Dieu existe, je l'ai entendu. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que je te connaisse. Quelques deux jours, j'ai encore oublié. Bon, j'ai continué à poursuivre avec mes... À chercher projets. L'argent, il faut bien parler. Oui, bon, en fait. À chercher l'argent. J'ai cherché l'argent. Voilà. On m'appelait chasse jeton. Voilà, il y avait quelqu'un qui chassait jeton. Oui, partout l'argent se cachait. J'étais là. Il était là-bas. Bon, c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, il me pointait. Il me faisait ces choses-là. Il me coinçait. Que je suis coincé. J'écris, Père, aide-moi. Il m'aide. Et je suis conscient, mais je n'avais pas cette force-là pour aller vers lui. Bon, chaque fois que je prenais, il y en avait plusieurs, jusqu'à ce que 2012 s'est présenté. L'année 2012, c'était l'année le plus terrible de ma vie. 2012 se présente, je laisse mes activités, je me rends... En fait, je sentais qu'il me fallait quitter au milieu des gens. Et dans tout ce cas, j'avais des projets. En fait, je voulais aller en Nouvelle-Zélande pour être quelqu'un de valeur dans ce monde. Pour être quelqu'un ici dehors. Oui, j'avais ces projets-là. Alors, je quitte la ville, je rencontre un monsieur qui me fait travailler dans sa palmeraie à Ezeka. C'est là-bas, quand je quittais Douala pour aller à Ezeka, on m'avait toujours raconté, d'après les racontats par mon père, il m'avait toujours fait comprendre comment les Bassas sont des êtres vraiment pas bien. Et le monsieur était Bassa et j'allais comme ça chez le Bassa. Ce jour-là, devant mon lit, je me suis prosterné. J'ai dit, Dieu, tu es vivant. C'est toi qui as fait les hommes. Et je ne sais comment le mal est venu, mais je suis en train d'aller. Je ne peux pas craindre les hommes à cause de ce que mon père dit. Donc, sans lire la Bible, je ne connaissais pas ces choses. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je m'en vais et je compte sur toi. Je me lève, je pars à Ezeka. J'ai commencé à Ezeka. Mon patron me donnait un salaire de 30 000 parce que j'étais contrôleur. Je pouvais superviser toutes choses. Et il a dit, tout ce que je travaille, il me payera. Il a cru que j'étais un homme de timide, que je devais venir me contenter de mes 30 000. Le premier mois, j'ai fait un salaire de 100, quelque chose de 1000. Il s'est irrité, il a dit, mais c'est pas normal. Si tu continues dans cette allure-là, au bout de 6 mois ici, tu vas être mon chef. Il a dit, mais je suis venu travailler l'argent. Bon, c'est comme ça que le mal a commencé. J'étais là pour le chasser. Les jetons, oui. Je le chassais. Alors, un de ces jours, j'étais à la maison, j'ai vu le mal. En fait, mes collègues ne m'aimaient pas. Ils m'appelaient Man Bameleki. Que je suis un Bamleke, j'ai le femme là, parce que si on nous met à travailler, je travaille plus que. Et je fais toujours tout pour être. Pour plaire à mon chef. Alors, il me haïssait. Je suis allé dans ma chambre, j'ai prié Dieu. Chaque fois que tu vas parler de ça, ça m'étonne seulement. En fait, moi, je dis même. C'est quand j'ai cru que j'ai commencé à ramener, à comprendre. Je priais, franchement, et quand je priais, j'avais mon assurance. Je pouvais aller le prier, je sors, je tombais dans l'eau, ça ne me dérange pas. Alors, je suis entré, j'ai prié, dit que Seigneur, tout ce que je sais, c'est que tu m'as créé. Aide-moi à vivre au milieu des hommes, sans faire de mal. Je ne veux pas faire de mal à quelqu'un parce que, bon, j'étais formé comme un militaire. Alors, ce jour, je me suis couché, j'ai fait un songe dans lequel il y avait une roue qui tournait, il y avait un palmier, il y avait un papayer, et j'étais là avec un sac sur mon épaule et ma machette en main. Suivez ça attentivement. Alors, je me suis réveillé, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, je n'ai pas compris le sens. J'ai basculé de côté. J'ai continué à faire mon travail jusqu'à ce que le jour de l'accomplissement de ce songe est arrivé. Bon, c'est moi qui avais formé cette roue-là et c'est moi qui ai largué le palmier. Et le papayer, c'est moi qui l'avais coupé. Quand je finis, je me tourne, je prends mon sac et je mets mon sac sur l'épaule, j'arrête ma machette pour rentrer. Quand je me tourne, je me souviens que j'étais déjà sur cet endroit. Je dis, il y avait un papayer. Je me tourne, je vois le papayer. Je dis, il y avait le palmier. Je vois le palmier. Je dis, c'est pas normal. Je regarde mon sac, c'est le même sac et ma machette. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais quelque chose d'anormal veut se produire ici. J'ai regardé vers le ciel, je n'ai rien vu. J'ai tourné autour de moi, rien. Je suis donc allé auprès de la rivière m'asseoir. Et dit, mais si ces choses arrivent net, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse comprendre? Là, tu n'es pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Tu n'as pas encore lu la Bible. Je n'ai point de Bible, je ne connais pas. Je suis assis pour méditer, pour réfléchir que ce n'est pas normal. Pendant que je réfléchissais, une question m'a été posée. La question c'est, si comme tu es assis là, si tu lèves les yeux là comme Abraham, tu vois un bélier lié par les cornes dans le buisson, que feras-tu? J'ai dit, est-ce que je suis Abraham? Quand je dis, est-ce que je suis Abraham? En regardant la direction d'où on m'a parlé, je vois l'herbe bouger, j'ai dit non. Ces choses, oh Dieu, je ne veux pas, je ne connais pas, pardon, je ne veux pas de sorcellerie. Mais comme j'ai vu bouger, j'ai encore guetté, ça continue à bouger. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai saisi ma matière, j'ai regardé, ça continue à bouger. Je suis entré là rapidement, je me suis mis à frapper parce que j'ai vu quelque chose dedans, j'ai tapé. Mais c'était un porc-épie que un piège à corde avait attrapé sur le pied. Depuis le matin que j'étais là, je n'ai pas vu ces choses. C'était la troisième fois que je venais là, je n'ai pas vu ça. Je suis rentré dans ma soie, j'ai dit, mais c'est pas normal. Tantôt, le songe s'accomplit, la parole m'a été adressée. Maintenant, ce qui me dit, elle, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai regardé vers le ciel. Qu'est-ce que tu veux que je puisse comprendre? Je sais que tu dis qu'on ne doit pas voler. Si tu me dis que j'enlève ici l'hérisson pour aller manger, ça c'est le vol. Parce que je sais au moins une chose, c'est que si tu veux me donner l'animal, ce n'est pas sur le piège que tu vas me le donner. Bon, si tu veux que je prenne cet animal, fais que ma passe soit en brousse, ça passe, je tue. Je prends, je sais que c'est toi qui as donné. Mais l'autre, si je ne vais pas prendre. J'ai donc laissé, j'ai pris mon sac, je suis rentré en réfléchissant. En réfléchissant, je n'ai rien trouvé comme solution et je n'ai rien compris. Mais en route, j'ai prié le Seigneur que pardon, ne permets pas que l'animal là pourrisse sur la corde. Parce que normalement, il ne devrait pas tuer. Alors fais à ce que la personne vienne retrouver. Tant à moi, je ne vais pas prendre. Si tu m'aimes, fais que ma passion là, je vais arrêter. C'est comme ça que je suis rentré. Le lendemain matin, je suis venu. Premièrement, je suis allé regarder. C'était là. J'ai fait mon travail. Le soir, je reviens regarder. C'est là. Et dis, pardon Seigneur, je t'en prie. Ne fais pas pourrir cet animal. Fais à ce que la personne vienne chercher. Tu as des prières comme ça, Dieu? Oui. Comme ça. Je rentre. Le lendemain, je reviens. Je n'ai pas regardé. C'est là. J'ai dit, mais c'est pas normal. Tout tu veux que j'enlève ça, c'est le vol. Fais que la personne vienne. Je suis encore allé faire mon travail. J'ai fini en revenant, c'était plus là. Et la personne a pris comme ça, sans rien toucher, rien. Donc, mais c'était bizarre. C'est comme ça, donc, que cette première partie s'est écoulée. J'ai oublié. Bon, j'avais besoin d'une moto. Mon but devenu en brousse, c'est que je voulais une moto. Mais tu voulais travailler pour avoir l'argent pour acheter ta moto? Oui, ma propre moto. J'ai dit, un de ces jours, j'étais en brousse, en travaillant, j'ai dit, oh Seigneur, tu peux me donner une moto. La moto n'était pas difficile. Mais pourquoi tu ne m'aides pas? Aide-moi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin d'une moto. J'ai réfléchi. Et quelle est la promesse que tu as donnée à Dieu? Que si tu donnes une moto, tu... Non, permets, je vais arriver là. Quand je dis ça, je dis, bon, Dieu dit qu'on devrait travailler. On devait gagner son pain par la sueur de son front. Je vais travailler, Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire ici qui va me donner une bonne somme d'argent? J'ai réfléchi que bon, si je propose tel travail à mon patron, ça peut me donner cet argent. C'est la bonne solution. Quand il va venir, donc je vais le faire pas. C'est comme ça que j'ai pris ma résolution seul en brousse. Mais je suis curieux que mon patron arrive. Il me fait visiter, je le fais visiter les travaux dont j'ai fait, il dit non c'est bien. C'est lui qui me pose la question, tu m'avais dit tu voulais une moto. J'ai dit que, hé, quand ça? J'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé, j'ai dit non mais cet homme-ci, peut-il lire ma pensée? J'ai dit oui patron, vraiment je voulais une moto. Mais il me dit, qu'est-ce que tu peux faire ici jusqu'à gagner? J'ai dit si tu me donnes tel truc, je peux le faire. On s'est assis, on a calculé. Elle dit, en combien de temps tu peux faire ça? J'ai regardé, j'ai dit, en 3 mois, je peux l'accomplir. Il dit, ok. On a calculé, c'était quelques jours de 350 000. Elle dit que ta moto coûte combien? J'ai dit 500 000. Il dit, bon, si tu finis ça, je vais t'ajouter 150 000 compris. Ça fait 500 000, tu achètes ta moto. Tu es d'accord? J'ai dit, je suis d'accord. Il dit, à partir de demain, j'engage mon boulot. Et s'il vous plaît, permettez-moi que je puisse me concentrer. Et je vous rassure, je vais vous donner de bons comptes. Il a dit d'accord. C'est comme ça que je suis rentré avec le zèle. J'ai tapé l'équation. Comment je vais faire pour très vite finir ça? J'ai vu que les gars qui sont à côté de moi, chaud. Si je les attrape, je leur propose 30 000, ils peuvent m'avancer plus de 3 hectares. Bon, c'est l'équation. J'ai dit, patron, j'ai besoin un peu d'argent. Il m'a dit, à doit aller, va m'envoyer. J'ai dit d'accord. J'ai commencé le travail. Les deux premiers jours, il était en colère. Il a dit, mais tu travailles avec l'Écosse. Il dit, non, patron, c'est que. Ici à moi, j'ai besoin de quelque chose. Donc, je vais gaspiller mon énergie pour gagner ce que j'ai besoin. Je dis que non, ça c'est le femme-là des Américains. Je dis, comme tu le dis, mais si quelqu'un a son femme-là pour gagner son argent, c'est bien. Alors, il est rentré. J'ai fait une semaine. Le travail ne m'a pas envoyé l'argent. Un jour, en brousse, j'ai encore entendu cette belle voix qui était mon compagnon, qui est encore revenu vers moi. Il me dit, si tu finis ce travail, ton patron ne doit pas te payer. J'ai dit que non, ça c'est une pensée. Lâche, tu réfléchis trop. Tu es trop prudent. Laisse, travail va te donner. Mais plus chaque fois qu'il m'adressait cette parole, j'avais la conviction que comme il a dit, quelque chose d'anormal doit se produire. Alors j'ai dit, mais si c'est le cas, que dois-je faire et comment vais-je m'en sortir? Puisque j'ai accepté, j'ai donné ma parole. Il m'a dit, éprouve-le. Voici le signe qu'il m'a donné. Si tu remets une somme de 150 000 francs, c'est qu'il va te donner l'argent là. Mais s'il te détourne, c'est qu'il ne te donnera pas. J'ai dit que, ok, dans ce cas, je suis rentré, j'ai appelé mon bateau, que, mais, chef, l'argent dont j'avais besoin, il me dit, non, Achille, tu sais, avec toi, ce n'est pas un problème, à voilà, tu vas recevoir ton argent. Si tu arrives ici, j'ai dit que, ok, comme tu ne veux pas me donner l'argent, je vais te trouver à voilà. Il me dit, non, attends là-bas, attends la fin du mois. Comme je connaissais cette affaire, voilà. Comme j'avais déjà la parole qui m'avait été donnée, je me suis levé un soir, j'ai dit à son grand frère que je m'en vais à Douala. Il me dit, mais à quelle heure? Je dis, peu importe, j'arrive à Douala à 2h le matin, 5h, ça ne me dérange pas. Il me dit, non, attends le matin, j'ai dit, c'est parole d'Achille. J'ai pris mon sang, je suis parti. Bon, j'étais comme ça, j'étais vraiment pas l'ami de quelqu'un. Quand je parle, je parle. Alors, j'ai pris mon sang à 18h. Quand je suis parti, il a appelé son frère, que Achille dit qu'il part à Douala. Il dit, à quelle heure maintenant? Il dit, oui, il est en route. Le patron m'appelle, je vois, je ne décroche pas. Je dis, tu vas me voir devant ta porte. C'est comme ça, je suis arrivé ici vers 2h. Monsieur Pouchard, 4, j'étais devant sa maison. J'ai dit, patron, vous voyez qu'il faut que vous me donniez. Et cet argent que je le réclamais, c'était l'argent des 2 mois passés. Alors, j'y travaillais. Quand il n'avait pas l'argent pour payer les ouvriers, il dit que utilise mon argent, paye-le. À la fin, on va faire les comptes. Donc, je voulais récupérer ce que j'avais déjà travaillé. Il m'a tourné. Il me donne 70 000. J'ai dit, mais 70 000 sur 150 000, c'est rien. Donnez-moi 120 000. Quand je réclame, j'ai quelque chose. Donc, il m'a joué. J'ai dit, ok, comme vous voulez être sage, j'ai pris, je suis sorti. Quand je suis sorti, il a su que je devrais pas aller en bourse. Il m'a dit, retourne. J'ai dit, oui, patron. Ah, je suis allé, j'ai fait mes affaires. Il m'appelle le soir, ou c'est comment. J'ai dit, patron, je ne joue pas au jeu. Tu me donnes, j'ai fait un travail, donc vous me payez. Si vous ne pouvez pas me payer, je laisse tomber tout le reste. Il m'a dit, passe à la maison. Je suis passé, sa femme m'a encore donné 40 000. J'ai dit, je ne travaille pas à l'agent des arachides. Quand je finis, tu me donnes. J'ai pris donc les 40 000. Je suis resté encore à Douala. Ça l'a hérité, il m'a payé. J'avais demandé qu'il me donne un job en bourse. 70 000. Qui devait être mon agent de Bénin. Il a dit à sa femme, donne-lui 40 000. Donne. Sa femme m'a ajouté 40 000 en disant, c'est l'agent du job là dont je travaille. Je devais faire 2 travaux. J'ai pris. Quand je suis rentré en bourse, j'ai réfléchi que ça, c'était le signe. Donc cet homme ne doit pas me payer. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que donc je finisse. Ce que j'ai fini, je calcule comme mon agent doit être net, il me paye, je vais partir. C'est comme ça que j'ai tout fait pour mettre, pour finir une première partie. Je dis, patron, versez-moi l'argent. Il m'a joué comme ça. Il dit, patron, je ne suis pas un joueur. Je suis un combattant. Et un combattant, c'est celui qui finit, on le paye. Tu ne peux. J'ai pris mon sac, je suis rentré à Douala. Il a tout fait, j'ai dit, je suis plus déçu. C'est comme ça que j'arrive à Douala, j'ai dit, mais Seigneur. Voici maintenant, je n'ai ni l'argent, ni la moto. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est là où j'entre dans ma maison. Je prends un cahier. Je l'invoque. J'écris mes prières. J'écris là-dessus, Seigneur, j'ai besoin d'une moto. Si tu me donnes une moto, je vais te servir de tout mon cœur. Je serai un bon disciple. Alors, j'aime. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai mis le jour où je veux la moto et le mois. J'ai dit, le début du mois d'octobre, si tu m'accordes cette moto, je vais te servir. J'ai fait comme ça, j'ai fermé, j'ai mis là, j'ai continué à fouiller, à chasser le peu que je pouvais en avoir. Jusqu'à ce que, un de ces jours, alors, c'est toujours un songe qui est venu me présenter. J'ai vu, j'avais cette moto-là, une très belle moto rouge, de couleur rouge. Et j'étais en train de faire un jeu là-dessus, ça me plaisait. Je dis, oh, j'étais content, mais quand je me réveille, je réfléchis, je n'ai ni argent, je n'ai pas un boulot. Mais où est-ce que je vais donc faire pour avoir la moto? Mais j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, si tu veux, tu vas me donner. Je reste calme, je continue. Un de ces jours, en journée, à la maison, chez moi, je n'étais pas sorti. Une voix me dit, va voir telle, elle va te donner l'argent. J'ai dit, hey, la maman là a déjà ses problèmes. Si je viens dire ma part encore là, ça va encore sûrement tout gâter. Mais comme tu as dit, je m'en vais. Je suis allé voir la maman là. J'ai dit, maman, on m'a dit de venir te dire que c'est toi qui vas m'acheter la moto. Elle s'est levée, m'a blâmé. Elle dit, mais tu ne me vois pas dans les problèmes. Wow, elle est grande. J'ai dit, ah, je n'ai pas prémédité. On m'a dit, et je t'ai dit, donc si tu veux, tu me donnes. Si tu veux, ne me donne pas. C'est ce qu'on m'a dit. Je me suis tourné, elle s'est fâchée, elle m'a insulté. Je suis rentré. J'arrive à la maison, je dis, mais moi aussi, je vois quelqu'un qui a des problèmes. Je ne vais pas mettre ma part de problème sur sa tête. Ce n'est pas normal. Je suis resté là. 2 jours encore, la même voix me dit, va et dis-lui. Je pars encore voir cette maman. La même maman, je lui dis que, mais on me dit de te dire que c'est toi qui vas m'acheter la moto. Mais pourquoi tu me grondes? C'est là où elle dit, oh, mon fils Achille, tu parles comme ça, pourtant, il y a la solution. Quand il y a la solution, mon que faire autrement? Je dis, mais comment ça? Elle me dit, assieds-toi, depuis tu es dans le besoin que voici une ouverture. Je peux te le donner même facilement. On s'est assis, on a causé. Elle m'a dit, passe à la maison le lendemain en soirée. J'ai dit que bon, d'accord. Je suis rentré. Dans la nuit, on me fait un songe dans lequel j'ai vu, elle a sorti 300 000, 3 paquets de 500 000. Elle voulait me tendre. Mais elle est rentrée, elle a donné à quelqu'un autre qui a pris avant de me remettre. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je me réveille, je réfléchis, ça n'a pas de sens. J'ai dit, d'accord. De toutes les façons, Dieu sait Dieu. C'est comme ça, en soirée, elle m'appelle. Elle commence à me déranger au téléphone. Ouais, Achille, comme je t'avais dit, il n'y a pas le moyen, j'ai dit, oh, il ne faut pas me déranger. S'il n'y a pas, laisse. Elle me dit, quand même, viens, on va causer, on peut avoir la deuxième solution. En fait, elle voulait me déranger. J'arrive à la maison. Jean, elle est assise là, moi aussi, ici. Je vois son sac dans la position dont j'ai vu dans le son. J'ai regardé. Et elle dit que quelque chose va sortir là. C'est comme ça qu'on est assis. Elle m'explique les choses, elle m'explique. J'ai dit, d'accord, maman, j'ai compris. Après, j'ai dit, bon, je peux rentrer. Elle dit, bon, rentre. Je me tourne et se met à rire. J'ai dit, maman, toi, tu me déranges aussi comme ça. C'est pour mériter. C'est comme elle dit, assieds-toi, assieds-toi. C'est là où elle porte son sac. Je commence à guetter. Je vois, elle ouvre. Elle sort exactement les 3 paquets de 100 000. Les 300 000, 3 paquets de 500 000. Elle veut me tendre. Son mari entre. Elle rentre. Elle donne plutôt à son mari. Je dis, c'est pas normal. Je regarde son mari, quand il prie dessus. Il dit que c'est le Dieu du ciel qui t'a donné ça. Prends garde. Prends garde. Je dis que oui. Il me tend les 300 000. Merde. Je reste d'abord calme. Je suis content. En sortant, je dis que oui, Seigneur, je vois ta main. C'est sûr que c'est toi qui es derrière la fessée. Je rentre avec joie. Mais en réfléchissant, il me faut 50 000. Je vais prendre les 50 000 euros. En route, pendant que je réfléchissais, il m'a dit, va chez elle. J'ai dit, ah voilà, c'est là. Je suis allé voir l'autre, ma maman. Quand je dis ma maman, on n'a rien de... C'était mes mamans au marché quand j'étais encore commerçant. Bon, on s'entendait. Eux, ils m'aimaient comme un fils. Alors, je suis allé voir la maman. J'ai dit, voici, voici. Elle dit que non, ce n'est pas un problème. Je vais te trouver 50 000. C'est comme ça qu'elle me donne encore les 50 000. J'ai 350 000 francs en main. Je quitte à la maison, je dis, Seigneur, je ne veux pas une moto rouge. Je veux une moto bleue. Je veux une moto bleue. Ça, j'avais oublié toutes les prières que j'avais faites. Parce que ça fait déjà comme ça, c'est 3 mois qui s'écoulaient. Alors, le papa qui devait m'accompagner acheter la moto, nous sommes sortis. On a fouillé les motos partout. Il n'y en avait pas. La couleur bleue. Jusqu'à ce moment, nous sommes arrivés sur une seule pièce de moto. Qui était là, c'était la moto de couleur rouge. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je ne voulais pas aller à la moto. Je ne sais pas ce qui méritait. Bon, de toutes les façons, j'ai dit que c'est rien. Négocie le prix, il a négocié et on m'a donné sur un très bon prix, 340 000. On a acheté, on m'a donné ce qui. Je suis rentré en route, quand je conduisais, je me suis mis à faire le jeu que j'avais vu dans le son. J'ai balancé ma moto avec joie. Et j'ai dit, mais j'ai fait ce mouvement quelque part. C'est où? Je me souviens que mais c'était dans un son, ça. J'ai dit, ah, mais c'est bien. J'ai alors balancé plus bien. Je suis rentré. J'arrive à la maison, je garde ma moto. J'entre, je cause et je fouillais mes documents pour aller faire maintenant les papiers de la moto. C'est là où je prends mon cahier là, en cherchant. J'ouvre, je vois une prière et que j'avais signé, merci Seigneur Jésus. Et j'ai dit, mais qui a écrit ça? Je prends pour lui et je vois que j'ai demandé une moto. Mais je regarde ce qui m'a attiré l'attention, c'est le mois. Le mois d'octobre. J'ai dit, mais nous sommes le 4 octobre. J'ai dit, hey, je regarde la moto. Mon cœur bat. J'ai dit que c'est pas normal. Je regarde ma prière. Je dis, oh, donc tu m'as exaucé encore. Je suis prosterné. J'ai loué Dieu. J'ai maintenant dit, il faut que le premier fruit de la moto, je donne les prémices avec. Je devrais donner ça à Dieu comme offrande. J'ai pris la moto, je suis tombé dehors ce jour-là. J'ai travaillé 10 000. Je suis rentré. Au lieu d'aller donner à la maman là, pour qu'elle donne ça dans sa dénomination, j'ai plutôt dit non, que Dieu c'est chez les témoins de Jéhovah. Je suis alors donc allé chez les témoins de Jéhovah. J'ai lancé ça là-bas. Qu'est-ce qui te faisait pour que Dieu t'aime? Oui, je le voyais trop frais et calme là. Bon, je me disais que Dieu là. C'est comme ça donc, que j'ai remis les 10 000 et c'était même mon premier jour de culte parce que quand je suis quitté à la maison, j'ai dit voilà Seigneur, je vais chercher ta face maintenant. Voilà. Juste tu m'as donné la moto, il faut que je te connaisse. Écoutez très attentivement, c'est pas pour rien que je vous ai demandé qu'il raconte son histoire, d'accord? Alors, je suis allé là, c'était mon premier jour de culte, j'ai remis les 10 000 là-bas et on a fait culte. Pendant qu'on était ensemble, j'étais comme ça, j'ai regardé tout le monde. C'était pas normal. J'ai dit mais, est-ce que Dieu est vraiment ici? Je dis, Achille, toi, tu fous trop les choses. Laisse. Viens sur ton culte et pas. Je dis, c'est vrai. Mais, je dis, Dieu ne peut pas. La façon dont on a chanté, on ne dit rien de vrai. Je ne connais pas, mais je savais tout simplement qu'il y avait une façon de servir le Seigneur qui ne se trouvait pas là. Je dis, les gens s'y dérangent. Mais, comme c'est calme quand même, je vais là. J'ai fait au moins trois fois le culte là. Je n'ai vraiment pas trouvé ce qui devait satisfaire le désir qui était en moi. Je suis rentré dans la maison. J'ai dit, ah Seigneur, j'avais le monde, une tradition du monde nouveau, la Bible qu'on m'avait donné. Je dis, ah Seigneur, toi aussi tu dis qu'on te cherche. Tu es Dieu. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un marche pour te chercher. Si tu veux qu'on te connaisse, on va te connaître. J'ai fouillé partout, je ne t'ai pas vu. Donc, le jour où tu trouves ton serviteur que tu as où établi, envoie-moi là-bas, je vais partir, je ne pas plus. Elle lançait directement ça comme ça sur le lit et c'était ma fin. J'ai pris ma moto maintenant, j'ai établi mes projets que je devais réaliser au bout d'un an. Donc, je devais construire, faire des choses. Bon. Un flashé. Alors, j'ai vu que si je garde 10 000 francs par jour, ça va résoudre mon problème. Alors, il faut que je travaille au moins 15 000. C'était fini. 5 heures, 12 heures. Oui, je viens me reposer, je ressors 14 heures, 22 heures. Je garde. C'est comme ça que j'ai chassé les jetons. Et il y avait les moyens. Parce que nous, on était trois, on faisait une cotisation tous les dimanches. On cotisait chacun 50 000. Donc, on avait 150 000 qu'on cotisait à trois. Brian, moi, il y a un autre frère là qu'on faisait. Donc, chacun devait prendre et on devait réaliser. Pas à projet, oui, le projet au fur et à mesure. Yes. C'est comme ça que j'étais déterminé. Jusqu'à ce que je commence à sentir encore ce mauvais pressentiment qui s'approchait de moi. Et ce mauvais pressentiment, bon, je vais fouiller un peu. J'avais une copine, une fiancée, celle que je croyais épouser. Un des jours, elle m'appelle au téléphone. Je suis sorti à 12 heures pour aller travailler. Elle m'a appelé que je vais te voir. J'ai dit, mais tu connais bien quand je sors, je ne peux pas rentrer. Elle insiste. Et elle se fâche. Je dis, hey, tu veux me commander ou quoi? Elle dit, je vais te voir. Toi, tu es bizarre. Quand tu es derrière l'argent, si quelqu'un meurt, tu ne peux pas venir. J'ai dit, mais je suis là pour ça. Bon, je vais venir. C'est comme ça que je raccroche, je tourne la moto pour rentrer à la maison. Ce mauvais pressentiment apparaît. J'entends bien pour une femme, tu laisses ce qui t'est de précieux pour aller vers elle. Mais si c'était le Seigneur, tu n'allais pas faire ces choses. Je dis, ah, toi aussi, tu déranges. Il y a des choses qu'on peut comprendre. J'ai donc dit ça, mais j'avais cette angoisse-là dans le cœur. Je suis rentré, je l'ai regardé. Elle m'a raconté rien, tout ce qui m'énervait. J'ai dit, mais tu ne peux pas me donner de l'argent. Je ne te demande pas. Et elle avait ses moyens. Elle a dit, tu veux quoi? Tu veux combien? Je vais te donner. Reste calme. Ne travaille pas l'argent aujourd'hui. J'ai obéi. Je suis resté. On a bavardé. Bon, ça c'est vrai. Alors, on a tout bavardé, bavardé, bavardé. Mais, quand je suis entré, dans mon esprit, il fallait que je la quitte. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette fille a de mauvais qui me fait penser ça d'elle? Je l'ai regardée. Elle n'avait rien de mauvais. Elle m'écoutait. Quand je parlais, elle disait, oui, j'ai compris. Elle s'efforçait d'échanger. J'ai dit, non, Achille, c'est parce que tu as un peu les moyens que tu veux chercher notre femme. Pour chasser celle-ci. Donc, laisse, dis donc. C'est comme ça que j'ai laissé. Encore, une semaine encore, je ressens encore la même chose. Quitte cette fille. J'ai dit, hé, qu'est-ce qu'elle a? J'ai l'appelé, j'ai dit, viens, tu es allé où? Elle m'a dit, nulle part. J'ai dit, mais tu fais quoi de mauvais que je ne connais pas? Elle dit, rien. Elle dit que non, parce que j'ai comme quelque chose d'anormal. Elle me dit, Achille, tes trucs que tu fais souvent, on ne comprend pas la tête sur ça là. Ça va t'amener loin. J'ai dit, tu as raison. Peut-être quelqu'un veut me conduire ailleurs. Je balance ça en quoi gauche. J'avance, je continue à poursuivre mon argent et les projets. Encore, j'ai eu ce sixième sens. J'ai dit, hé, il a appelé. J'ai dit, tu fais quelque chose dans le noir. Elle me dit, non. Il dit, je vais te pistonner. Et le jour où je vais t'attraper, ta tête va quitter. Elle me dit, je ne fais rien de mauvais. J'ai dit, ce que je ressens contre toi, là, c'est pas normal. Alors, le jour de mon malheur s'est approché. C'était un mercredi 18 décembre. Je suis sorti pour aller bosser, elle m'a encore appelé à la maison. Insister encore comme elle fait souvent. Je veux te voir maintenant. J'ai tourné la moto. Pendant que je rentrais, ma colère s'enflammait. Chose qui n'était pas normale. Nous sommes arrivés à la maison. J'avais comme impression que quelqu'un avait pris un goudin. Derrière moi, il dit, si tu poses la main sur cette fille, je vais te frapper. Je sentais ces choses. Mais Je me tourne, je regarde derrière moi. Il n'y a personne. Mais je sens vraiment que quelqu'un, il y a quelque chose d'anormal. Je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, quoi? C'est plutôt toi qui n'es pas normal. J'ai dit, oui, c'est vrai. Je reste calme. Mais toujours est-il que je sens ces choses-là en moi. Toujours derrière, je savais que si je pose la main sur elle, le malheur devait m'arriver. J'ai réfléchi que j'ai fait quoi de mal? Le malheur va m'attraper venant de quel côté. J'ai tout baladé ça dans mon esprit. Rien. J'ai dit, Haché, c'est toi qui as les mauvaises pensées. Donc, on a continué à gérer notre... Je ne suis pas sorti ce jour, on est resté. Et c'était comme ça mon malheur. Jusqu'à l'heure où elle est rentrée. Je suis resté, j'avais l'angoisse dans mon âme. Je n'étais pas en paix. Je dis, mais Seigneur. Donc, tu étais troublé déjà. Oui. Mais tu ne savais pas qu'est-ce qui t'était. Oui, je ne savais pas. La paix m'a quitté. La force, j'ai perdu toutes les forces. Je suis resté calme. Je dis, mais quelque chose d'anormal veut m'arriver. Et c'est comme ça que j'implore encore le Seigneur. Je dis, oh Dieu, il n'y a que toi pour connaître mon problème. Mais si j'ai fait de mal, il n'y a que toi pour m'éclairer. Si tu m'éclaires, je vais changer. Mais maintenant, je ne comprends rien. Aide-moi. Le Seigneur n'a rien fait. Je suis resté là, j'ai senti ce malheur-là. J'ai appelé mon voisin, mon ami. Il a expliqué. Il me dit, gars, répète-toi, tu as les mauvaises pensées. Je dis, ah, peut-être. Mais ce que je te dis là, si je meurs ou quoi que ce soit m'arrive, sache que ça a commencé depuis tel temps. C'est comme ça, dans cette nuit-là, je me couche, j'ai fait un songe qu'on a agressé mon voisin. On l'a poignardé à mort sur la moto, on a pris sa moto. Et sa moto était bloquée à quelque part. Il essayait de soulever, c'est là où on l'a poignardé, sur sa côte droite. On l'a vraiment décapité. Je me lève ce jour très tôt pour aller voir mon voisin et l'expliquer. Mais il était parti, tout le monde était sorti dans la cité sans me faire signe. J'ai dit, mais ça c'est pas normal. Mais je savais que la chose devrait arriver. Et je pensais à tout le monde sauf moi. Parce qu'en fait, dans le monde, j'ai fait ce qu'on appelle les arts martiaux. Donc, je ne connais pas ce qu'on dit la peur. Je savais que quiconque se présente, je vais là-bas. Donc, mon côté, j'avais mis ça, j'ai regardé plutôt les autres. C'est comme ça que le malheur a commencé. Je suis sorti, j'ai bossé, j'ai vraiment bossé. Jusqu'à ce que je ne suis pas revenu à la maison à midi. J'ai bossé toute la journée. Une soif a débuté vers une certaine heure, vers 11h. Une soif qui ne s'arrêtait pas. Je reste, j'ai toujours soif. J'achète des sachets d'eau, je bois. Je prends l'eau en bouteille, ça ne coupe pas ma soif. J'ai toujours soif. Je dis, mais c'est pas normal. Je m'arrête, je prends un jus. Je bois, ça ne coupe pas la soif. Je dis, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en journée, si on pouvait discerner la voix de l'esprit, j'ai transporté deux messieurs qui m'ont dit des paroles vraiment dures et choses qui n'étaient pas. Une chose qui arrivait constamment dans ma vie. Ce jour, ils m'ont dit, je les ai transportés pour une course de 500, ils m'ont payé 400. Quand je réclamais 100 francs, l'autre a dit, tu veux mourir? Tu veux mourir aujourd'hui? Tu veux que on prenne la moto là? Je les ai insultés. J'ai dit, vous êtes des... Parce qu'ils étaient costauds. J'ai dit que ça, c'est la Provence. Moi, c'est la Tisse. Donc, je suis prêt à faire ce que vous ne pouvez pas imaginer malgré ma petite taille. Ils ont dit, ah bon? On essaie. J'ai dit, je vous montre. L'autre a dit, on va prendre sa moto là. J'ai regardé ma moto, elle était encore toute neuve et j'ai parti lutter pour 100 francs. J'ai dit que, allez avec vos bêtises, j'ai tourné ma moto. Je suis parti. Et c'est comme ça que je sentais mal. Je savais seulement que quelque chose allait m'arriver. Jusqu'en soirée. Vers 18h, j'ai réfléchi que bon, il faut que je transporte un client, je le laisse à l'entrée de ma maison, j'entre une fois. C'est comme ça que j'ai transporté un petit Nordis. Quand ce garçon est monté sur la moto, c'est comme si mon esprit a dormi. Je ne savais plus rien, je ne pensais plus à rien. Je l'obéissais plutôt comme un petit enfant. Il me dit, allons regarder ça, je pars. Jusqu'à ce qu'on entre dans le lieu le plus dangereux à Texaco, à l'époque. C'est moi qui lui dis, mais où est-ce que tu m'amènes? Dans ce lieu, on agresse les gens. Il y a le vol ici partout. Il me dit que non, rien ne doit arriver. Je dis, ah, en fait, je savais que même si vous êtes 10, 20, ça ne me dérange pas. Je vais avancer. J'avance, je traverse un de ses frères qui était là, en train de faire semblant d'uriner. Je garde devant. Je dis, ok, récupère ton chargeur, on part. Je constate qu'il est en train de me regarder. Il est en train de regarder dans cette direction-ci. Je le regarde, je dis, mais je me tourne pour voir ce qu'il est en train de voir. Je vois seulement les gaillards en train de venir avec une force, avec le couteau. Quand j'ai vu, j'ai voulu accélérer, il m'a poussé. Je me suis tourné, je l'ai frappé, bim! Il est temps, j'ai voulu pousser la moto, mais je ne comprends pas comment je suis quitté du goudron pour me retrouver un peu en bas. Quand je me retrouve là maintenant, la moto est bloquée. Je veux soulever la moto, ça ne se lève pas. Et le songe apparaît. Le songe d'un côté qui est en train de me nuire sur les yeux. L'événement en train de se produire ici. Ça m'embrouille. Je perds le contrôle. Mais je veux soulever la moto, c'est calé, rien n'arrête la moto. Et la moto ne se lève pas. Je soulève, mais ici, je croyais qu'ils m'ont poignardé. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour quitter la moto, pour me retrouver en face. Parce que j'étais comme ça, bloqué sur la moto là. Mais je me suis retrouvé plutôt en face, en train de me défendre. Et le songe m'embrouillait, la vision, en fait, la vérité, et le songe passait tous les deux sur mes yeux. Ça me dérangeait et je me défendais de toutes mes forces. Ils étaient plus de 8. Les autres se sont entassés pour porter la moto. Il y a 3 autres qui m'ont bloqué. On s'est mis à combattre. Pendant qu'on combattait, en fait, le but était que la moto parte. Je combattais avec les 3-6, et les autres partaient avec la moto. Quand ils étaient déjà loin, les 3-6 ont pris feu. C'est comme ça que j'ai sorti l'alarme, j'ai appuyé ça, démarré la moto. Ils se sont arrêtés pour déployer. Les 4 sont venus maintenant avec le couteau. Il y a un autre qui est venu pour me défendre. Quand les gars sont allés vers lui avec la moto, il a démarré sa moto, il a fui. Alors, quand ils sont partis, j'ai déchiré mon vêtement. J'ai dit, Achille, pas toi, Douala, on ne peut pas prendre ta moto. Je vais récupérer ça. Quand je dis, je vais récupérer la moto, la même voix apparaît et me dit, si tu suis cette moto, tu mourras. J'ai dit, non, ça c'est ma pensée, Je vais récupérer ma moto, pas Achille à Douala. C'est comme ça que j'avance. Il me dit, si tu continues à suivre cette moto, tu mourras. J'ai dit, jamais, ma moto ne peut pas partir. Je vais récupérer ça. Il dit, directement avec un ton vraiment énervé, tu perdras ton âme. Quand cette parole a touché mes oreilles, je me suis écoulé. Je suis tombé sur mes deux genoux. J'ai levé la main vers le ciel, j'ai dit, oui, Père. Je sais que tu me dépasses maintenant. Là, tu n'es pas toujours chrétien. Non, je ne suis pas chrétien. Voilà. Je dis, je sais que tu me dépasses maintenant. Tu m'as donné. Tu as repris. Je te demande une chose. Aide-moi à ne pas mourir. Il m'a dit, lève-toi et rentre. Je me suis levé comme un malheureux. J'ai commencé à marcher. Après, j'ai dit, hé, Achille, ta moto part à Douala. Mais c'est encore toi. Je me suis tourné pour regarder la direction. J'ai dit que c'est pas toi. Je vais récupérer ça. C'est comme ça que je me tourne maintenant avec détermination et rage. Comme on voit souvent dans le film là. Oui, j'avance avec colère. Et dans mon esprit, quiconque se présente devant moi, je l'abats. J'avançais tout droit. Fou, avec toute la rage. Avec ma télécommande à main. Quand j'appuie comme ça, il dit, j'entends. Quelqu'un va sortir. C'est comme ça que j'allais avec rage. Il est resté calme. Je suis entré au fief de Wadio à Nouvelle. Tous étaient couchés là en train de fumer le bamba. Et j'étais dans une tenue qu'on voyait. En fait, j'étais toujours propre. Oui. Alors, quand je suis entré au fief, il y a une coupure. Oui, tout est devenu sombre. Mon esprit est revenu à moi. Je me suis tourné. J'ai regardé. Je vois tous les gars sont là en train. Oui, mon cœur fait popo. C'est là où je me suis interrogé que, mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Si tu meurs, tu vas dire tu pars où? Ils ont pris la moto, ils ne t'ont pas tué, ils ne t'ont pas dépouillé. Et tu pars où? Ne te souviens-tu pas de tous les gars de cette saison qu'on a agressé? Tous sont morts. Je me suis tourné tout calmement. J'ai guetté les gars. J'ai vu chacun était dans une position. Donc, c'est comme. En fait, ils ont une habitude. Quand tu veux entrer, tous sont calmes. Tu entres. C'est quand tu veux ressortir qu'ils t'agressent. Je me suis tourné. J'ai fait le mou. Comme un nonchalant. Je suis revenu à moi. Passé tout doucement en priant dans mon cœur. Dire, oh Seigneur, si tu fais jusqu'à y arriver à la maison, aide-moi. En criant comme ça, je suis sorti. Personne n'a branché. Jusqu'à ce que je les ai traversés, la lumière est revenue. J'ai regardé comme ça, dit que c'est pas normal ces choses. Je me suis donc tourné, j'ai pris la direction de la maison. La cause. Je marchais en réfléchissant que merde, on va entendre dire que Achille a perdu la moto à Douala, qu'on l'a agressé. Et un maître de karaté. À quoi m'ont servi les arts? À quoi m'ont servi toutes les techniques que je connais? C'est ça qui était mon malheur. Et en route, j'ai vu une fille. En fait, c'est comme le malheur était sur moi, vraiment. J'ai interpellé n'importe quelle moto, il ne me portait pas. C'est comme si il me regardait comme ça, je ressemblais à un monstre. J'ai interpellé n'importe quelle moto, il passe, il part pour il part. Ah, j'ai dit, comme c'est comme ça, je rentre. J'ai commencé à cheminer tout doucement. Tout doucement. J'arrive à Brazzaville, j'ai interpellé une moto, j'ai trouvé une fille devant moi. Elle était une fille de témoin de Jéhovah. Elle était bien habillée et voilée. Elle a interpellé la moto. Moi aussi, j'ai interpellé. La moto est venue rester entre elle et moi. Elle a dit F. Moi aussi, j'ai dit F. Le garçon a dit mon. Qu'elle voulait mon mot, si je voulais monter sur la moto. Elle m'a regardé. Dit qu'elle est descendue. Dit que je ne bâche pas avec les hommes. J'ai dit que dégage, tu ne bâches pas que tu as acheté la moto à toi là. Je suis monté, j'ai dit que allons. Pendant qu'on y allait, j'ai entendu encore la voix, regarde, à cause du nom de Dieu, elle ne monte pas sur la moto. Qu'est-ce que toi, tu penses, Achille? J'ai réfléchi encore, j'ai dit, mais c'est comment? En fait, le gars m'a amené jusqu'à la maison, je lui ai donné 150, j'ai dit, va. J'arrive chez moi, dans la nuit, j'ouvre ma porte, je n'ai point allumé, je suis souvent entré dans le noir, fermé, me coucher. C'est comme ça que chaque goutte de sommeil qui venait sur mes yeux, je voyais seulement les couteaux qui venait de toute force pour me pointer. Je me défendais sur le lit, je me réveille, je vois que c'est pas vrai. Je dis oui, c'est comme ça. J'ai souffert toute la nuit jusqu'à 5 heures. Je me suis réveillé. En fait, 5 heures, c'était déjà dans mon être. Moi, je sortais toujours à ce moment. À 5 heures, je me suis donc réveillé. Je sors, je regarde le salon, je ne vois pas mon moto. Je dis que ton frère, là, on m'a agressé. Vrai. Et maintenant, je me suis souvenu que mais, je n'ai pas de blessure. J'ai touché mes côtes pour voir s'il y avait la blessure, mais j'ai dit rien. Je me touche partout là, je ne sens rien, mais je sens seulement mon corps autrement. J'ai dit, mais ils ne m'ont pas poignardé. Je n'ai pas de blessure, rien. Je suis rentré me coucher. Après quelques minutes, je me suis levé, je suis venu au salon, m'asseoir pour réfléchir. 6 heures s'est approchée, 7 heures. Vous me croyez? C'est ma vie. 7 heures, c'est comme si la maison était remplie de gens que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas voir. Mais je les entendais. J'étais équipé, ma maison était vraiment équipée. Équipée comme cela. Enfin, on m'appelait Petit Chat. Le blanc était partout. J'étais tranquillement assis. J'ai compris cette présence qui a envahi la maison. J'ai regardé partout, rien d'anormal. Mais je sentais qu'ici, ça ne va pas. Une première personne m'a posé la question, qui es-tu? Là, tu es seul. Mais je suis seul, mais il n'y a personne. Écoutez très attentivement. Il y a une réunion pleine dans la maison. On me pose la première question, qui es-tu? Il dit, mais je suis Achille. Il dit, mais qui penses-tu que tu es? D'où viens-tu? Je comprends que la question n'est plus bonne. Et tu réponds, tu n'es pas trouvé. Qui es-tu? En fait, je ne sais pas, je réponds. J'étais obéissant. Au moins, là, quand la voix parlait, je répondais. Quand il me dit, d'où viens-tu? La question est anormale. J'ai dit, tu entends ça par ici? Oui. Je savais que la personne était dans cette direction. Donc, quand je regarde comme ça, c'était pour le voir. Mais j'entendais la voix venir comme ça. Il dit que, mais, tu es assis tel que tu es rempli d'orgueil, tu es comme un insensé. Tout ce que Dieu te fait, tu ne vois pas. Je voulais répondre que je vois. Il y a une personne, je ne le connais pas, mais ce que je sais, c'est que celui-là me connaissait plus que moi. Et il était comme ma moitié, qui prenait la défense. Quand je voulais dire je connaissais, il a répondu que c'est comme ça qu'il est. Il connaît tout, rien n'est caché. J'ai dit que celui-là, il est tranchant. Je reste calme. On dit, mais il se prend pour qui? Tu es un insensé, tu ne vois pas. Il voit, rien ne passe inaperçu. Tout ce qui se passe, il voit et il connaît. Ça commence à me déranger. Je ne vais pas continuer là, je vais seulement dire, ils ont fait comme ça, me poser, ils ont pris ma vie de 2005. En fait, depuis, mais ils ont pu, celui-là a mis l'accent sur 2005, monter tout doucement. Tout ce qui m'avait été les grâces que le Seigneur m'a accordées, il l'a ramené. Et je connaissais que c'était net. À un moment, j'ai voulu commencer à dire non à certaines choses, mais il ne me permettait pas. Il répondait. Et c'est comme si chacun posait sa part de questions à son tour. Donc, au fur et à mesure, tous ceux qui étaient là me posaient des questions. Et lui répondait. Il ne me permettait même pas d'avancer. À un moment, c'est comme si ma tête et mon cœur allaient exploser. Je ne pouvais plus supporter. J'ai crié, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et je suis tout seul. Bien aimé, ce n'est pas la folie, c'est la vérité. J'ai crié, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Maintenant, quand je crie comme ça, tout le monde reste calme. Je reviens à moi, je dis, oh Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Je m'allonge encore sur le canapé, on reprend la réunion. On a encore continué à poser des questions, à ramener ma vie. Et tout ce qui était net, et c'était des choses que je connaissais. Je pouvais entendre la voix de Dieu, les bienfaits du Seigneur. Je reconnaissais, je voyais. Et je le louais deux jours. Après, j'oublie. On dit, et voici le mot. Je disais toujours, je vais voir ça après. Et quand je disais ça, je traversais dessus. On a ramené tout ça. Mon cœur me faisait mal. Mon cœur me faisait mal. Jusqu'à midi, on m'a encore accordé une pause. J'ai eu l'impression, je suis sorti de la maison, chose que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé vers le ciel. C'est comme si le ciel s'était éloigné de la terre. C'est comme si c'était encore allé plus haut. J'ai regardé comme ça. C'était pas normal. Je regarde les maisons, c'est comme si même les maisons, on avait reculé, me laissé dans ces zones-là seules, que le malheur abat sur moi. J'ai regardé, dit, mais c'est pas normal. C'est comme si je venais de commencer à voir. Je suis rentré dans ma maison, j'ai fermé encore la porte, allé m'asseoir sur le même endroit. Ils ont continué. Continué à me ramener, à me. Bien-aimé, permettez que je dise ceci. Le jugement donc. Nous entendons, la Bible dit, si Dieu s'assoit pour te juger, tu n'ouvriras pas la bouche. Tu ne peux pas. Moi, je peux vous témoigner ça. Alors, ils m'ont ramené, jusqu'à ce que 15 heures approchées, ils ont commencé à s'entretenir entre eux. Et c'est comme s'il fallait qu'on ait compassion de moi. C'est comme s'il fallait qu'on me châtie. C'est comme s'il fallait qu'on me condamne. Bon, cette réunion était entre eux. Moi, j'étais là comme sans force. Tout ce que j'entendais, je comprenais, il y avait des personnes qui disaient, bon, même comme c'est comme ça, essayons de voir comment on va faire. On ne doit pas leur rendre vraiment la vie impossible. Donc, ces choses-là entre eux, ça chauffait là. Moi, j'étais couché. À un moment donné, j'ai entendu cette belle voix qui a dit, mets la radio. Je me suis levé pour aller mettre la radio. L'autre voix a suivi, a dit, mets la télévision. Je me suis arrêté. L'autre a dit, prends ta Bible et lis. L'autre a dit, ah, tu es un bon danseur. Mets la musique, chante, ça va te consoler. J'ai dit, je ne fais rien. Vous m'embrouillez. Je vais obéir à qui? Je ne fais rien. Je suis rentré encore me coucher sur les mêmes endroits. La première voix m'a dit, mets la radio. Je me suis donc levé pour aller mettre la radio. Je ne sais pas comment. J'ai manipulé pour me retrouver sur Radio Bonne Nouvelle. Ce que je sais, c'est que j'ai mis la radio. J'ai mis la radio, ce n'était pas pour écouter. J'ai mis parce qu'on m'a dit de mettre. Alors, je finis, je reviens me coucher sur cet endroit. Le silence était dans la maison. Et comme j'étais couché là, je méditais par rapport à ma mauvaise vie, à tout ce que ces êtres m'ont repris là-dessus. Et c'était vrai. Je voulais comprendre. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas compris? Bon, je me posais autant de questions. Jusqu'à un moment donné, j'ai compris une joie a surgi dans mon cœur. Stop là-bas, je vais dire quelque chose. Donc, nous trouvons donc un examen et on a de faire Radio Bonne Nouvelle. Je crois que c'est professeur Jérôme, le berger sur le cœur. Oui, le berger sur le cœur. Avant cela, j'ai pris des jours de jeûne. Parce que quand je vais à la radio, quand vous voyez, vous suivez la conversation sur la radio, je sais à qui je parle. Même si les gens sont sur la radio, ils ne parlent pas avec moi. Je sais que ceux qui sont ici sont des pantois. Il sait à qui j'ai été envoyé sur cette terre-ci. Il sait qu'ils vont être là. J'ai pris les jours, je me suis retrouvé. Il dit, Père, tout ce qui est des jeunes dans cette comme l'émission va commencer, je veux que tu retrouves tes enfants à qui c'est destiné. Je veux que tu les parles. Tous ceux qui se cachent n'importe où, ceux qui te fuient, je prie que par cette émission, si tu les attrapes. C'est ce qui était dit dans le jeûne. Pendant ce moment de jeûne. Continue, frère Achille. Alors, la joie a surgi. Et cette joie allait grandissant. Mais je ne m'intéressais pas. Mais au fur et à mesure, ça montait dans mon cœur. C'était vraiment bon. Mais c'était comme on m'avait donné quelque chose de précieux que j'ai gardé, qu'il fallait après que je ne pas retrouver cela. Mais ça allait grandissant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui me plaît comme ça? J'ai dit, hé, j'ai gardé quoi qui me plaît? Vraiment, ça allait très bon. J'ai fouillé le placard, j'ai fouillé toute la maison pour retrouver vraiment ce que j'ai gardé, qui est précieux à mes yeux comme ça, et bon à mon cœur. Je n'ai rien trouvé. Mais cette joie-là allait de croissance en croissance. C'était bon. Jusqu'à ce que je me rends compte que c'est ce que je suis en train d'entendre à la radio qui me plaît. Je dis que, hé, qu'est-ce qui se passe à la radio? C'est là où je me tourne maintenant pour mieux comprendre. Ah, mon Seigneur, c'est là que j'ai entendu une voix. En fait, je ne sais pas. Cette voix dans mon entendement sonnait comme le tonnerre. C'était puissant et très fort. Je l'entendais seulement parler du berger selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas tout ce qu'il disait, mais quand j'ai entendu, j'ai dit, waouh, voici un serviteur selon Dieu. À l'instant que c'est sorti, j'ai entendu cette merveilleuse voix qui est revenue et a dit, n'est-ce pas, tu m'avais dit que tu voulais quelqu'un qui suive mes paroles? J'ai dit, oui, Seigneur. Il a dit, le voilà, appelle-le. Je me retourne, je prends le bip, je prends la feuille, je suis prêt, on communique le numéro, je prends. Ah, ça c'est merveilleux. Je prends le numéro. Quand je finis d'écrire, je sens une pesanteur qui abat sur moi. Je dis, ah, oh, il faut que je me lave, je me brosse. Comme ça, je sors, je mange une fois et je retourne à la maison. Il me dit, veux-tu recommencer? J'ai dit, non, père. Avant de dire ceci, veux-tu recommencer? En fait, c'était mon travail. Chaque fois qu'il prenait quelque chose de vrai, il avait pour habitude de dire, je vais voir ça après. Et j'ai abandonné. Donc, quand j'ai dit ça, il dit, veux-tu recommencer? Il voulait dire, veux-tu encore mettre encore en stable comme tu le fais? J'ai dit, non, père. Je suis sorti en vitesse. Je courais seulement. Je suis allé vers la femme du corps. Je lui dis, passe-moi le téléphone. Elle me dit, c'est quoi? Je lui dis, donne-moi le téléphone. Ne me pose pas de questions. Elle me donne. C'est quoi? Je tape le. Dans mon cœur, ça brûlait. C'est comme si je ne rencontrais pas la personne qui était à la radio. Ça allait exploser. Ça sonne. Le journaliste prend. Il me dit, c'est qui? Je dis, je suis Achille. Je vais rencontrer l'évangéliste. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à la radio. Je vais rencontrer l'évangéliste. Il me dit que ce n'est pas permis à la fin de l'émission. J'ai dit, mais donnez-moi même son numéro. Et pendant que je discutais avec lui, l'émission finissait. Il dit, ok, on va te donner son contact direct. J'ai dit, oui, donnez-moi. C'est comme ça qu'il me donne le contact direct. Je raccroche à la radio, j'appelle directement le contact direct pour qu'avant qu'il ne sorte à la radio, je suis. Ça tombe chez une femme. Oh, quand il parle à la radio, il ne parle pas le téléphone. Laisse-lui mon téléphone, mon épouse. Ça tombe sur une femme. J'entends la voix, je dis, mais une femme encore. Oui, c'est le numéro de l'évangile. Il dit, ah, il est à la radio. Tu veux le rencontrer? J'ai dit, oui. Tu t'appelles comment? Je donne mon nom. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis à village. En ce moment, j'habitais Elf, derrière la Elf. J'ai dit, je suis à village. Elle me dit que non, tu ne peux pas. J'ai dit, je veux le rencontrer aussi, c'est possible maintenant. Elle me dit, non. C'est, mais pourquoi tu chauffes comme ça? J'ai dit, permettez-moi, madame. Je peux le rencontrer, elle me dit, mais puisque tu es loin, viens demain, je dis à 7h. Elle me dit, mais tu vas réveiller les gens ce moment-là. Je dis, madame, veillez m'accorder. Elle me dit, tu as le privilège. Viens à 7h. Je rentre, je me lave, je me couche, je réfléchis. Je dis, il faut que je le rencontre. Il faut, Seigneur, que le jour vienne vite, que le jour vienne vite, que le jour vienne vite. Quand vous voyez, quand Dieu fait c'est des comme choses, ça, Dieu connaît ses enfants à lui. Le jour se lève à 5h, je m'étais déjà debout. M'étais vêtu, j'ai commencé à marcher. En fait, quand elle m'a expliqué à l'opom, vous voyez, c'est une chose terrible. Un jour, j'ai transporté un client pour amener à quelque part au carrefour maçon. Écoutez encore ça. Je suis passé à l'opom exactement dans le lieu où son épouse habitait. J'ai entendu cette voix qui m'a posé la question, si un jour ton église sort ici, que diras-tu? Je me suis tourné, j'ai dit que, ah, on va casser les maisons pour construire l'église. En fait, dans ma pensée, je voyais la dénomination, les trucs, les grandes maisons comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, ah, on va venir détruire les maisons pour construire l'église. J'ai dit, ah, bon, quand elle m'a dit le pont Carrefour Andem, j'ai dit, oui, je connais. Elle me dit, pas, j'ai dit, je connais le lieu. Elle dit que regarde seulement l'église de le pont. J'ai dit, mais c'est pas normal. Quand elle dit l'église de le pont, elle dit qu'on a construit quelque chose de grand comme ça là-bas. Bon, de toutes les façons, c'est pas ça. Je suis rentré donc. Seigneur, le jour. Quand le jour s'est levé à 5 heures, j'étais debout. Monsieur l'avait, j'ai pris la route. Tac, tac, à ce moment-là, j'habitais dans la maison de mon épouse, chez son père, à Lopom. Donc c'est là-bas que j'habitais avec elle. J'ai pris la route. À Lopom. Quand j'arrive à Lopom, je dis que c'est parti. J'ai regardé une grande maison pour voir la dénomination, un truc comme ça. Je ne vois rien. Je dis que mais c'est pas normal. C'est là où je sors le téléphone, je l'appelle. Elle me dit, il y a une rue devant toi. Je dis oui, traverse, compte les maisons. La troisième maison. Tu vas regarder à l'étage, tu vas voir quelqu'un. J'ai dit oui. C'est comme ça qu'elle sort, je regarde à l'étage, il la voit, elle me dit c'est ici. Je dis ok. Elle rentre dans la maison, je viens, je sonne encore. Il y a un papa qui sort. Je regarde cet homme. Non, ce n'est pas la personne ici. En fait, je m'attendais à voir quelqu'un de grande taille et très robuste et fort. Donc voilà ce que je savais. Parce que la voix que j'entendais, pour moi, oui, je m'attendais à ce genre de personne. Mais il y a un monsieur qui est descendu, je l'ai regardé. Le père de mon épouse. Bon, l'épouse, il n'y a pas comme ça là. Oui, papa de. C'est grâce. Voilà, ouais. Je l'ai regardé. Il dit, c'est un papa être lui. Il fallait que je rencontre la personne. Il ouvre la porte, il dit, Jean. Il me dit, assieds-toi. J'ai dit, non. Je reste debout. Madame Tchadasso, elle me dit, bonjour, Frachi. Il dit, bon, il dit, mais toi, tu réveilles seulement les gens au lit. Mais il arrive, j'ai dit, oui. Il est où? Il me dit, assieds-toi, sens-toi bien. J'ai dit, oui, madame. Je me sens déjà bien. En fait, mon problème n'était pas m'asseoir ou faire quoi. Il fallait que je le rencontre. Parce qu'ici, il y avait un problème. Ça devait exploser. J'étais là, je regardais. Quand j'entendais les bruits, je guettais. Mais, chose qui m'a surpris, c'est que j'ai vu un très petit bout d'homme qui est sorti. Il est costaud maintenant. En ce moment, il était rempli de jeunes. Donc, il était très mince. Avec les yeux rouges. Avec les barbes. Quand il est apparu, femme. Il me dit, sens-toi bien. Je me tourne, je le vois. Mais ce qui m'a surpris, c'est que je l'ai vu, j'ai senti que c'est la personne. Il y a comme, je l'ai aimé. Je l'ai senti vraiment en moi. J'ai senti que voici la personne qu'il faut que je marche avec lui. Mais il n'était pas robuste ni ces choses-là. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça, c'était rouge. Il me dit, sens-toi bien. Tu es ici chez toi. Je dis, ah, oui, je me sens bien. Il s'est assis, il dit, tu es mon frère. Il dit, est-ce que c'est pour un de frère qui est ici? Je veux que tu puisses m'expliquer ce qui se passe. C'est ce que tu dis à toi. Oui, il me regarde, il rit. Il dit, assieds-toi. Il met les fesses au sol. Il dit, je suis à toi, je suis à toi, je suis tout entier à toi, d'accord? Je suis tout entier à toi. Raconte. J'ai dit, mais je n'ai rien à te raconter, c'est toi qui vas me raconter. Voici ce que je sais. Une voix m'a dit hier de t'appeler et de te rencontrer. Mais voici, c'est à toi à me dire. Il me regarde, il sourit. Il me dit, hier. Yeah. Avant que tu n'appelles à la radio, quand ça sonnait, le Saint-Esprit m'a dit, voilà quelqu'un qui a les problèmes avec Dieu. Le mot s'y a fait pouf dans mon cœur. J'ai dit, hey, comment il peut savoir que j'ai les problèmes avec Dieu? Parce que ça, c'est entre lui et moi. Personne ne peut connaître. Je l'ai regardé, j'ai vu que ce n'est pas normal. Et c'est comme ça qu'il me dit, tu l'as quitté? J'ai dit oui. Je l'ai quitté. En fait, je ne voulais rien comprendre des autres parce que ça me dérangeait. Il me regarde, il sourit, il dit que ton Dieu t'aime. Et c'était les paroles qu'au cours de ma vie, on me disait. Et je connaissais. Alors quand il dit ça, il restait calme. Il dit, ah, il rit. Après il dit, mais je suis en train de voir quelque chose là. Je dis oui. Il dit, l'encre, on a écrit quelque chose comme ça, on a lavé. Chez les musulmans. Vous avez bu. Je dis oui, ça me revient à l'esprit. C'était quelque chose qui datait peut-être 7 ou 8 ans derrière moi. Donc, en fait, mon arrivée ici à Douala, mon grand frère avait le projet, quoi. Il nous a amené chez un arabe. Un type, en fait, il était comme un arabe. Il a lavé ces choses-là, il nous a donné de boire. J'ai refusé, mais il m'a dit de boire. Bon. J'ai bu. Quand il a dit ça, même ce jour, le marabout, cet homme-là m'a regardé. Il a dit que cet enfant n'est pas normal. Il a quelque chose au-dessus de lui. Mais de très puissant. Je l'ai regardé comme ça, j'ai regardé mon grand frère. J'ai dit, mais il veut dire quoi? Il a bougé là, il a dit non, buvez. Il nous a donné. Mais la parole là m'est restée dans l'esprit. Alors, quand il me dit, je me souviens. J'ai dit oui. C'était, ça date longtemps. Il dit que oui, mais ton Dieu te délivre. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Il regarde, il dit, ah, toi là, viens, tu vas te repentir, on va prier. Voici là où je travaille, je n'ai rien autre. De cet endroit. Donc on peut se coucher là, on prie, je dis oui. Et ça sera la fin maintenant. C'est là où... Tu as essayé, tu rentres. Non, attends. Oui. Quand on s'est couché, tu as dit, donne-moi ta main. J'ai donné, on a prié. Tu as dit, parle. J'ai parlé. Tu pries, il a prié pour moi. Après, il a dit, lève-toi maintenant. Je me suis levé. Il a dit, il m'a posé la question. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? J'ai dit, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Il dit, tu as essayé par toi. Tu n'as pas pu. Mais cette fois-ci, c'est la dernière. Tu ne peux plus faire demi-tour. Tu es enchaîné. Je me suis réjoui. Et je lui ai expliqué cette plusieurs voix qui me hantaient là. Il a imposé la main. Il a prié. C'est quand il prie qu'une paix m'envahit entièrement. Et je dis, oh, quand je sortais, j'ai dit, mais Seigneur, comment il n'est pas aussi costaud que je pensais? Bon, j'ai posé ces questions. Ah, j'étais content. Il est allé. Il est revenu. Il a dit à sa femme, que voilà ton frère. Voilà ton frère. Salue-le. On m'a salué. Bon, on a tout. Sa femme m'a directement promis. Il m'a demandé, tu as une Bible? J'ai dit non. Sa femme m'a dit, je t'offre une Bible. Donc, dans 2 jours, passe le temps pour moi d'aller au marché. J'ai dit sans problème. C'est là où il m'a donné, il m'a dit, entre dans le jeûne et la prière. Le reste, lui va faire. D'accord? C'est fini. On partait baptiser. J'ai dit, c'est ce que j'attendais. Il dit, bon, allons-y. Il a pris un frère. Le frère est venu. On est allé, on m'a baptisé. Voilà, dans ces jours de baptême, j'avais mes pensées. En fait, je voulais avoir l'esprit de mon Seigneur. Comme j'avais, dans ma jeunesse, j'avais vu le film qu'on appelle Jésus de Nazareth. Comme la colombe descend. En fait, quand j'ai vu ma toute première fois, j'ai dit, voilà comment il faut que l'esprit descende sur tous les enfants de Dieu. Donc, moi, j'attendais ça. Quand on entre au zoo, on sort, je guette le ciel. Parce que moi, je veux que ça s'ouvre, ça descend, je vois. J'ai regardé, ce n'est pas descendu. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais Seigneur, ça devrait normalement descendre. Alors, nous sommes rentrés, il m'a donné un temps de jeûne. Et c'est comme ça que je suis allé. Je ne vous mens pas. Je suis allé à la maison ce jour-là. J'avais dans moi la joie et la terreur. Parce que je craignais de désobéir à Dieu. Et j'avais la joie de ce qu'il m'a fait grâce. Alors, je suis rentré, j'ai coupé tous mes ongles. Je ne m'étais jamais rasé avec la lampe. Pas comme vous. En fait, je faisais des trucs de yo. J'avais le Kelly, c'est ça qu'on dit, la chevelure brillante à beaucoup. Bon, je suis rentré ce jour-là, j'ai tout rasé, enlevé mes ongles, taillé, allé me laver, dit Seigneur, puisque tu m'as fait grâce, puisque tu as permis que je rencontre ton serviteur, puisque tu as permis que je puisse être vivant sur la terre, à partir d'aujourd'hui, je vais t'obéir, mais aide-moi à faire ta volonté. Sinon, je vais te désobéir. Aide-moi. Voilà pourquoi je me rends tout nu comme ça pour dire mon passé, je le rejette. Je prends la vie nouvelle que tu me donnes. Aide-moi. C'est comme ça donc, dès mon départ, je suis entré dans les 3 jours de jeûne. C'est quand je sors que je raconte mon histoire à mes frères. Tous ne m'ont pas que. Chacun me regardait comme il y avait des. Vous voyez, on savait que dans 2-3 jours, je vais ramasser le papier. Alors. Voilà une des parties, on peut déjà arrêter là-bas, Frégino. Et quand tu étais ton espérance, quand tu es venu à l'Assemblée pour la première fois? Bon, je suis arrivé, ma toute première fois, la première réunion que j'ai assistée, je suis arrivé à la réunion. En fait, chaque fois avant que je ne quittais la maison, je priais mon Seigneur. Je dis, Seigneur, conduis-moi, parce que je ne pars pas pour un homme, je pars pour toi. C'est toi qui m'as dit d'aller là-bas, donc je pars pour toi. Amène-moi et donne-moi ce qui est bon pour moi. Arrête de répondre à la question. Est-ce que quand vous venez long au milieu du Seigneur, vous priez avant de quitter, mais vous venez seulement pour assister aussi, bien vous venez pour attendre? Vous avez suivi ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Continuez. Donc, c'était comme ça chaque fois que j'ai... En fait, la première fois que je suis quitté, j'ai fait cette prière. Je suis arrivé à l'Assemblée. Quand je suis arrivé à l'Assemblée, il y avait... Bon, c'était dans un petit couloir et les chaises étaient classées. Je suis allé m'asseoir. Il y avait une sœur. Grâce, une sœur qui était là, elle avait les problèmes. Elle était au bout et j'étais là, il y avait une autre sœur assise et un autre frère. Et il chantait. Je suis entré, lui n'était pas encore là. En fait, il avait une façon, il était toujours dedans. Jusqu'à ce que le moment vienne, il sort, c'est pour donner ce qu'il a donné. C'est comme ça, un moment, il est sorti avec sa Bible. Il avait une très grosse Bible. Il est sorti, il avait mis ça ici. Il est sorti, va aller déposer au balcon. Il avait un endroit qui posait souvent là. Il l'a posé. Bam! Il s'est tourné vers cette fille-là. Elle a dit, oh madame, lève-toi. Elle s'est levée. J'ai vu, il a fait pouf, cette fille aller comme ça, sans poser sa main sur elle. Il s'est tenu à distance, il a fait frappe, elle est allée dans la direction, il l'a ramenée, elle est rentrée. J'ai dit que, Seigneur, j'ai toujours dit que je n'aime pas les endroits comme ça. En fait, dans ma vie, j'ai haï ce qu'on dit imposer les mains. À cause de ma tante, un jour, on m'a accusé que j'avais le démon parce que j'étais très fort dans les arts martiaux. Je faisais des choses anormales. Alors, on m'a dit que c'est un démon qui me conduit. J'ai dit, j'aime pas des démons. Il y a un pasteur qui est quitté du Nigeria, venu ici, il nous a amené là-bas, qu'on va me délivrer de cette... Je crois que tu vas tomber. Oui, il a dit que c'est ma nature, je ne suis pas un démon. Il n'y a point de démon à moi. Il m'a dit que pas, on va prier pour toi, tu vas tomber. J'ai refusé. Et c'est comme ça qu'ils sont allés, premier jour, deuxième, il avait peut-être un truc de 3-4 jours comme ça. Premier jour, deuxième, troisième jour, ma tante, comme on a prié sur tous ses enfants, il ne restait plus que moi. Tout le monde me traitait à la maison des démons. J'ai dit que si je me rends là-bas, je ne vais pas tomber et il n'y a point de démon à moi. On m'a dit que c'est parce que je sais que j'ai le démon qu'on veut parler. J'ai dit ok, je vais partir. C'est comme ça, ce jour, je suis allé. Le monsieur a bavardé ce qu'il pouvait bavarder. En fait, j'ai cherché, il n'y avait pas la parole. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, jusqu'à dire que ceux qui ont le pouvoir venir devant. Ma tante a dit pas. J'ai dit que j'ai pas de problème, mais elle m'a dit pas. Je suis aussi allé rester là-bas. On a mis les gens hein, comme ça. On priait sur, on dosait les têtes. Il tombait. Le monsieur a prié. À un moment, que voit les gens tomber. J'ai dit que, hé, hey, peut-être moi aussi j'ai un démon. Mais c'est pas normal que les gens tombent comme ça. On tombait. Jusqu'à il y a un monsieur, après le monsieur. En fait, quand on arrivait sur ce monsieur, il voulait rentrer. Enfin, j'ai vu, depuis là, tout le monde fait que tomber. J'ai dit que c'est pas normal. J'ai regardé ma tante. Elle a baissé sa tête. Pour dire que aujourd'hui c'est ton jour. J'ai dit au Seigneur que, ah, Dieu, s'il y a le démon à moi, enlève. Ce que je sais, j'aime pas les démons. Donc, s'il y en a, délivre-moi. Le monsieur est venu rester sur moi. Il a prié pour le monsieur, il est tombé, il est venu rester sur moi. Fais des beaux, cogner ma tête, pousser. J'étais là, je le regardais. Il m'a tout fait. Donc, tout le monde tombe sur le rang, là, sauf toi. Sauf moi. Il a duré sur moi. En fait, ils ont un truc pour faire le bouc. Pouh, ça te donne la chair de boue. Après, tu tombes. Il fait bouh. J'ai dit que la chair de boue, là, je ne connais pas ça. Donc, c'est comme ça que je suis resté. Il a tout fait. Rien n'est arrivé. Même balancer comme ça, je n'ai pas balancé. Je me suis tourné vers ma tante. J'ai dit, tu vois. J'ai pas mal de démons. Je suis donc allé m'asseoir. J'ai haï ces choses-là. Donc, quand je vois, on imposait les mains sur les gens. Non, je ne suis pas dit. Mais est-ce qu'il était allé toucher ses soeurs? Alors, son jour, quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit, oh Seigneur, j'avais toujours dit que je n'aime pas venir sur les endroits. Comment tu as fait pour m'envoyer ici? Ah non, moi, je n'aime pas ces choses. Et attention, je disais ça en moi. Je ne parlais pas de la bouche. Et j'étais très distancé de lui. Donc, je peux dire, peut-être à 5 mètres. Alors, j'étais sur ma chaise, j'avais baissé la tête. J'ai entendu cette belle voix m'a dit, au lieu de rester là te poser des questions, tu ferais mieux de prier. Et tu dis, ah Seigneur, c'est moi qui suis ignorant. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. Et je n'ai rien prié pour moi. J'ai dit, Seigneur, c'est ton serviteur. Et c'est toi qui œuvres au travers de lui. Fais à ce que ce qu'il veut faire à cette femme, ça réussit très bien au nom de mon Seigneur Jésus. Toi, c'est toi le Dieu vivant. Pendant que je disais ces choses, étant là-bas, il s'est tourné, il a dit, Frachi, lève-toi. Mon cœur fait pompe. J'ai dit, merde, j'ai encore fait quoi de mauvais ici. Je me suis aussi levé. C'est quand il s'approchait vers moi, il a dit, vous êtes là, vous dormez. Voilà, le frère Achille a demandé quelque chose et cela lui a été accordé. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai demandé? Il avance, un mec, il fait poum, c'est là où ça me ramène aussi un côté, il me ramène. J'ai dit, merde, comment c'est possible? Quand il a fait ça, il a soufflé, pff, il y a comme un vent qui est entré en moi. Pouf, ça a commencé à me baloter. À un moment donné, j'ai dit, mais je bouge même quoi? J'ai la capacité. En fait, dans les armes, si on a ce qu'on appelle. Oui, bon, on pouvait se maintenir. Alors, j'ai voulu employer cette force-là pour me maintenir. Ah, c'est comme si j'avais provoqué la fête. Il m'a maintenant vraiment balancé. Alors, cela, ça m'a balancé comme ça pendant quelques... Il a dit, priez, il est au milieu de vous. Priez. Bon, c'est là où tout le monde priait. Il touchait, jusqu'à ce qu'il revienne. Il m'a dit, tends la main. J'ai tendu la main. Il a touché mes deux mains. C'est comme si, je ne sais pas, quelque chose de merveilleux est sorti en lui. C'est entré dans mes deux mains. Ça a commencé à monter dans mes mains. Et je comprenais ça monter. Donc je pouvais arrêter ça à un niveau comme ça. Ça montait sur les deux mains rapidement. Ça arrivait ici, ça s'est séparé. L'autre est monté et l'autre est descendu. Et ça sortait. Je sentais cela sortir de ma chevelure. C'était un peu comme si, je ne sais pas, si vous mettez l'eau, s'il y a l'eau dans un bidon, et on prend la pompe, on met sur le bout, on presse, ça va sortir de l'autre côté comme des gouttes de, voilà, de pluie. Ça sortait exactement comme ça, pff, avec force. J'ai regardé mon bas des pieds pour voir ce qui se, si quelque chose tombait, je n'ai rien vu. Mais je sentais souvent comme ces choses-là sortaient. Et puis je suis entré, la prière est venue à moi comme ça. J'ai prié, j'ai crié, Seigneur, amène-moi dans ton royaume. En fait, c'est tout ce que je voulais. J'ai crié au Père, merci, amène-moi dans ton royaume. Merci pour ce que tu fais. Je rendais grâce. L'affaire, l'atmosphère a changé pendant presque une heure de temps. Jusqu'à ce que c'est revenu bien, bien, bien, bien, bien, bien. Elle dit, asseyez-vous. Qui est au milieu de vous? On était là comme ça. Bon. Dit, qui est au milieu de vous? Vous le voyez? Vous l'avez senti? Il vous a touché? Il posait autant de questions. Chacun était là, il regardait. Mais je me posais des questions. Bien, hey, Seigneur, qu'est-ce qui est entré en moi et qu'est-ce qui est sorti? Mère, tu m'aimes tellement et j'étais content. Et là, c'était ma part de délivrance. C'était ma délivrance. Quand je dis la délivrance, pas que je ne sais pas si j'avais des esprits, mais ce que je veux dire, c'est que mon âme était délivrée. Il y avait des choses, la pesanteur qui était en moi. Je pouvais m'engager sur les affaires du Seigneur, pas pour le monde. Je pouvais m'engager, même pour lui, je ne parviens pas. Même pour prêter oreille, ça me dérangeait. La chose m'a quitté. Et depuis ces jours-là, et l'amour de Dieu m'a habité. Alors, c'était comme ça que la flamme du Seigneur a développé dans moi. Et je ne pouvais plus rien faire. Et c'était total. Amen. Total. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Et ça a applaudi justement. Je reviens donc sur les deux. Je suis sur la terre pour une mission. Quand la mission va terminer, si le Seigneur ne vient pas nous trouver sur la terre, pour qu'on parte, je rentrerai. J'ai dit dès le départ de mes... Merci frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai été envoyé pour certaines personnes. Les personnes vont écouter ce que je dis. Même si le Seigneur ne vient pas, alors que je suis sur la terre, la voix qui est enregistrée sur le CD, ça va les cueillir. Ils vont partir. On va se rencontrer là-bas dans la gloire. Alors j'ai dit ici dès le départ, avant de l'entendre, je vous ai donné Jean chapitre 3, Jean chapitre 12, Jean chapitre 16, 1 Jean chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, c'est ça n'est-ce pas? Josué chapitre 24, je vous les ai donné, je vous ai demandé de prendre également Luc chapitre 10. Nous allons travailler là-dessus. Je vous ai dit dès le départ, avant qu'on avance avec le Seigneur, il faut que chacun comprenne qu'il y a deux choses principales qui créent les obstacles. Un, c'est notre cœur, l'obstacle de notre cœur devant le Seigneur. Je vous ai dit de prendre les gens chapitre 6 aussi. Jean chapitre 6, n'est-ce pas? Et 10. Et Jean chapitre 10. Luc. Et Jean chapitre 10 également. Il l'a dit. Jean. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc des gens au chapitre 10, il dit qu'il connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Elles entendent sa voix. Il y aura un seul troupeau. C'est merveilleux seulement. Donc si tu es de la brebis, tu vas venir de toute façon. Alors, si notre cœur est droit, si la première chose, donc la première chose est droit, est bon, c'est-à-dire que si ton cœur est bon, quand tu vérifies ton cœur, tu vois qu'il n'y a pas de foi en toi, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose avec le Seigneur, tu le fais avec droiture de cœur, tu es déjà sur la ligne pour courir avec le Seigneur. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose maintenant que je vais développer, c'est que il y a donc des obstacles que lorsqu'on dit on est chrétien, on dit qu'on est chrétien, on a été chrétien, Satan a toujours ses effets sur nous. Donc, les esprits sataniques. Pour d'autres, ils ont hérité de certaines choses dans le monde. Elles sont dans la marche chrétienne. Ils entraînent toujours certaines choses. Il y a des choses, quand vous venez dans le Seigneur, ça quitte automatiquement. Pour d'autres personnes, c'est le mensonge. Vous voyez, quelqu'un qui mentait beaucoup, souvent, ça disparaît. Pour d'autres personnes, il y a des choses. Toujours j'ai péché, le même que j'ai péché, les personnes, ça disparaît sans que vous soyez au courant. Le Saint-Esprit a fait une œuvre en vous. Dieu veut notre apport. Il veut notre contribution. Il faut que nous soyons avec lui. D'accord? Dans Apocalypse chapitre 21, dans le verset 8, la Bible déclare que, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les adultères, les meurtriers. Leur part sera dans les temps ardents de soufre, de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc s'il fait une de ces choses, l'adultère, le mensonge, le truc, il serait là-bas. Même si tu es beau de peu comment, Dieu s'en fout de cela. Alors il faut qu'on soit vrai avec Dieu. Il faut qu'on vérifie que les œuvres de certains. Je vous ai donné Galates chapitre 5. Les œuvres de Galates chapitre 5, verset 16 à 20. Il faut que je vérifie si les œuvres de Satan ne se trouvent pas dans ma vie. Si les œuvres de Satan se trouvent dans ma vie en tant que chrétien, il veut être clair pour vous, c'est ce que je veux dire. Je prends un exemple, un chrétien par exemple que vous voyez, et c'est l'une des choses que Dieu me révèle. Vous voyez, je suis dans la chanson de prier. Je prie, c'est pas seulement pour vous, c'est pour le monde entier. Tu vois, vous, l'image de quelqu'un vient devant moi. Vous voyez, un frère, une soeur encore grave, en train de voir le film pornographique. Et je suis censé prier pour elle. Une personne pour qui tu es censé prier en train de voir le film pornographique. Dieu dit, observe. On est dans les choses qui me dérangent dans le corps de Christ. Vous ne pouvez pas. C'est une chose, je ne peux pas aller vers quelqu'un pour dire que voici ce que tu fais. C'est pour ça que je suis obligé de mettre ça dans l'enseignement. Pour dire que quittons ces œuvres, quittons ces œuvres, quittons ces œuvres. Pourtant, je connais distinctement les personnes qui sont impliquées. Alors, vous avez le portable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez le portable. Vous avez les musiques mondiales dans votre portable. Et vous chantez pour la gloire de Dieu, de votre bouche. Vous allez vous tromper. C'est ce que Dieu veut que je parle. Il faut que les œuvres des ténèbres nous quittent. D'accord? Vous pouvez croire que la présence et sa puissance est ici. Ce n'est qu'après ça on va prier. Alors donc je suis ici donc maintenant pour qu'on parle, pour qu'on prie pour le deuxième cas. Je vais dire ceci. Si vous avez donc votre cœur est droit devant le Seigneur, vous voulez avancer vers le Seigneur. Et que Satan a ses œuvres avec vous, il a des traînées avec vous au nom de Jésus-Christ, vous serez délivré maintenant. Amen. Alors où trouvez donc le chrétien qui se masturbe, ils sont devant la télévision, ils se masturbent. Des femmes comme des hommes. Des chrétiens qui vivent encore dans le mensonge. Elles ne voudraient pas que quelqu'un les rencontre, mais ils vivent dans cela. Satan les a enchaînés. Vous avez une décision à prendre. D'accord? Vous devez, si vous voulez vivre tranquille avec le Seigneur, sur nous, la dernière fois, nous avons dit que soyez transparent. Soyez transparent. Il faut qu'on soit transparent. C'est enseigné que votre vie, que ça sera présenté devant le Seigneur, que vous soyez nickel. Donc vous avez des musiques mondaines. Il dit, je t'en ai parlé maintenant, à l'instant, je t'en ai parlé, voici l'image d'un frère. Il n'est pas ici au Cameroun. Dans son ordinateur, il a, je pouvais citer le nom et le pays où il se trouve. Il a dans son ordinateur des fichiers de pornographie. Il a mis d'autres noms. Il a mis le fichier, le dossier dans lequel il se trouve, il a verrouillé. Mais le Saint-Esprit du haut-dessus, avant, envoie le doigt vers lui pour dire que ceci est mauvais. Pour qu'il dénonce. Mais il va écouter. Quand il va écouter, il va savoir que à qui le Saint-Esprit va venir sur son esprit pour dire que c'est à toi qu'on s'adresse. Pourquoi Dieu fait ces choses? Pour amener les gens à la repentance. Parce que ce que tu lui appartient, Dieu va user de ses moyens pour te faire revenir à lui. Des jeunes filles qui vivent dans la fornication de part et d'autre, mais vous voyez à l'église, j'ai la joie dans mon cœur. Et quoi que c'est cela. Souvenez-vous, Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Il faut qu'on soit transparent. Tout le monde dit, sois transparent. Sois vrai. Il n'y a pas de canard. Il n'y a pas de canard. Une partie est canard. Une partie est poule. La poule est seule. Le canard est seul. Pourquoi c'est ici cela? Il n'y a pas une partie chrétienne, une partie mondaine. Choisissez si vous êtes mondain, rentrez dans le monde. Je vous dis encore, ne vous faites pas du mal. C'est mieux pour vous parce que si vous comptez, Jésus a dit à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Donc n'essayez pas d'écouter la Bible si vous ne voulez pas faire. Si vous ne voulez pas déposer la Bible de mon Père, rentrez dans le monde. Si vous savez que vous savez dépasse, il dit bien rentrez dans le monde. Faites votre chose de monde, sachant que là où ça vous arrive. Le plus grave, ne venez pas au milieu chrétien, restez là-bas pour faire quelque chose comme société chrétien et que votre passe serait droit. Parce que vous allez venir au milieu chrétien, on va prêcher que ne vivez pas dans le péché. Comme tu as entendu là, ton jugement est prononcé. Donc, en sortant pour aller vivre dans le péché, tu vas aller en connaissance des causes. C'est pour ça que ta passe sera plus grave. Vous cessez ça, n'est-ce pas? Prenons donc la Bible, on va lire, si vous me permettez. Après cela, on va prier. Toutes ces choses qu'il y a dans votre vie, va se dégager. Ouvrez les Bibles, donc, on va commencer. Jean chapitre 12, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner le verset. Jean le chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. C'est ça même. Ouvrez rapidement pour qu'on lise rapidement, on prie, parce qu'il me sent maintenant. Non seulement il veut prier pour vous, mais il veut prier pour tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier. Pour tous ceux-là donc. Parce que mon cœur, vous ne savez pas ce que tu as de faire. Depuis, je suis dans la prison, je vois, il voit que Dieu veut m'enlever de ce pays. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous le dis, Dieu veut m'enlever de ce pays-ci. Il dit que, plus on va t'oppresser dans ce pays-ci, je vais t'envoyer quelque part. Dieu veut m'enlever de ce pays-ci. Il dit, le Cameroun-ci, je l'aime totalement parce que je sais que c'est ce que Dieu veut faire dans ce pays. Il dit, Seigneur, que ce pays-ci soit racheté pour toi. Que tes enfants qui sont dans ce pays-ci. Mais il y a des gens qui vont me voir dire des choses, dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Yeah. Vous savez, quand le Seigneur dit qu'il passe là, il s'est tourné là-bas, il dit Capernaum. Vous savez que Capernaum, il dit seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il dit non, tu seras tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car les miracles qui ont été faits au milieu de toi, c'est terrible. Mais allons ici dans Jean chapitre 12, avant qu'il dise des choses là maintenant. Donc les gens sont dans le monde entier qui ont soif. Le moment est arrivé. Mais il faut que le Seigneur fasse quelque chose d'abord pour nous prier. Alors profitez-en. Jean chapitre 12, je vais lire le verset 35 et 36. Regardez bien attentivement. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Ah mon Dieu, où est-ce que ça nous a retenu là? Waouh! Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre Bible. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Donc, vous êtes à la chasse en même temps de la lumière. La lumière vous cherche. Les ténèbres vous cherchent. Il dit que la lumière est encore au milieu de vous. Le Seigneur dit que la grâce est encore disponible. Il veut dire, ne méprisez pas la grâce. Parce que quand ça sera ôté, ça sera les ténèbres. Et quand les ténèbres vont faire surface dans sa totalité, dans sa pleine dimension, il n'y aura plus de remède. Il y a des gens qui vont loin, ils vont avec leur vie. Ils croient peut-être qu'on les force à croire. Ils croient peut-être qu'ils croient c'est pour faire du bien à quelqu'un. Alors il faut qu'ils fassent ça parce que mon maman me fait comme ça. Il faut qu'ils fassent ça parce que mon papa me fait comme ça. Ils croient que c'est pour lui. Quand ton âme, tu seras confronté à l'enfer, tu sauras effectivement ce qu'il en est. Donc faites attention. Vous êtes conscient que vous avez votre empreinte digitale. Vous mangez par vous-même, vous vous lavez par vous-même, vous vous habillez par vous-même. Ainsi, vous avez votre signature sur tout ce que vous faites sur la terre. Et donc là, vous allez passer en jugement pour tout cela. Alors, Jésus, notre Seigneur, dit ici que pendant que vous avez encore la lumière avec vous, croyez en la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Il ne finit pas là. Il dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous voyez ce que là on en est? Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Où est donc les gens sont dans le monde sans Jésus? Ils croient peut-être qu'ils sont en train de vivre. La Bible déclare qu'ils ne savent pas où ils vont. Enfin, ils n'est pas au courant que la fin, c'est la mort, que c'est l'enfer. Ils ne sont pas au courant. Puis le verset 36, il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière. Vous suivez? C'est un avertissement. C'est un avertissement que le Seigneur a de donner ici. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants. Maintenant, je vais vous donner Jean chapitre 3. Notez le verset 13 jusqu'au verset 20. De Jean chapitre 3. Je vais citer quelques versets là-bas en descendant. Et puis, je vais citer le verset 19 et le verset 20 nous intéressent là, dans ces Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, le verset 14, le Seigneur Jésus dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert afin que tous crussent là-bas. Regarde bien, il prend cette similitude là. Ici, je suis dans Jean chapitre 3, le verset 14 là. Il dit que, écoutez très attentivement, il dit que, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout quiconque croit en lui quoi, ait la vie éternelle. Donc, Moïse indiquait le Seigneur Jésus. Moïse indiquait le Seigneur Jésus. C'est lui la solution. En fait, si vous le refusez maintenant, tôt ou tard, vous allez rencontrer celui qui sera assis sur le trône pour juger. Vous pouvez vous blaguer avec lui n'importe comment. Le moment arrive où il va se lever en Dieu juge. Donc, faisons attention. Maintenant, c'est le Dieu gracieux. C'est le Dieu de faveur. Le Dieu de miséricorde, le Dieu qu'on traîne partout. On invoque son nom, vit dans l'iniquité. On invoque son nom, vit dans le péché. Dieu ne veut pas cela. Il a dit, quiconque prononce son nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Vous suivez ce que son nom dit? Donc choisissez maintenant. Si vous êtes dans un système où quelque chose vous arrive, vous souhaitez servir le Seigneur, mais il y a quelque chose qui vous tient chaque fois, restez dans le jeûne et la prière, il va traiter cela. Il va traiter cela, c'est la promesse qu'il a donnée. Il va traiter. Allez dans la prière et le jeûne, quand quelque chose vous dérange, vous savez que ceci n'est pas bon pour le Seigneur. Rentrez dans la prière. Restez devant Dieu, vous allez voir. Il dit bien, je vous le dis au nom de Jésus, il va enlever parce que j'en ai vu ce qu'il fait avec les gens. D'accord? N'essayez pas de faire que, moi au moins c'est seulement ça. Je n'espèche plus telle chose, il y a seulement ça qui reste. Comme il y a seulement ça qui reste, quand il va condamner ceux qui ont ça, il va te condamner. Donc, enlevez cela dans votre vie. Enlevez tout obstacle entre vous et Dieu de votre vie. Débarrassez-vous-en. Restez et marchez dans la lumière. D'accord? Et verset 16, maintenant, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit sauvé par elle. Quiconque croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Comment on peut faire comme ça? Vous voyez cela? Les gens préfèrent les ténèbres. Pourquoi? Ils disent au verset 20 que c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Quand les œuvres sont mauvaises, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient la lumière. Parce que tout ce qui est manifeste, est vérité, vient à la lumière. Pourquoi donc on essaie de cacher des choses, faire des cacheteries avec nos vies? Qu'il y a telle chose, frère? Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, au nom de... Il y a des choses que j'ai laissé. Avant, quand j'avais commencé le ministère, il y a des choses qu'il disait brutalement, ça me créait des problèmes. Je crois qu'il y a une fois qu'il revient là-dessus. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, il dit que toi, tu as fait telle chose. Parce que quand il regarde, j'essaie de faire diplomatiquement, trouver le moyen, comment on dit ça à la prédication. Ça me dérange. Parce qu'il faut qu'il adresse, que la personne sache que ici c'est l'iniquité. Mais suivez, n'est-ce pas? Les portables, les ordinateurs créent problème. Les portables et les ordinateurs créent problème aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Des choses qui se trouvent. Le Saint-Esprit déteste cela. Vous me suivez, ma chère soeur? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses. Ce sont des choses, des choses iniques. Des choses que Dieu n'aime pas. Les chrétiens, c'est-à-dire que ceux qui professent le nom de Dieu possèdent ces choses en eux. La Bible déclare dans le livre d'Amos que est-on pur, dans le livre de Michée chapitre 3, il dit est-on pur avec un effort injuste? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes saint avec une balance injuste dans le cœur? Vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas avoir une balance ici. Supposons que vous travaillez au marché, vous vendez la viande ou bien le poisson, et que votre balance, vous avez fait avancer par derrière que c'est 1 kilo, comme les gens truc la balance. Vous déposez dans votre maison. Dieu dit que quand vous déposez dans votre maison, vous n'êtes pas saint. Parce que la balance fausse se trouve chez vous. Et Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19, dit que c'est parmi les sept choses que Dieu est. Les balances fausses sont en abomination à l'Éternel. Et dans Apocalypse 21, on a vu que les abominables, ceux qui commettent les abominations, leur place sera dans le temps de feu. Donc imaginez combien de vendeurs de viande ont de balances fausses. Ils sont en train de commettre les abominations devant le Seigneur sans s'en rendre compte. Donc le jour qu'ils vont faire, c'est dans l'enfer qu'ils vont se retrouver. Qu'est-ce qu'il avait fait? Tu avais déplacé l'aiguille de 0 à 5. Voilà ce qu'il a fait. Est-ce que vous me saisissez? Parce que c'est une balance fausse. Amen. J'espère que vous me suivez. 1 Jean chapitre 3. Je vais commencer à... Je vais lire là-bas. Oh mon Dieu, il faut qu'on fasse d'abord, on prie. Vous êtes prêts à suivre Dieu de la bonne façon comme il le veut dans sa Bible? Amen. Comme il a dit dans la Bible? En fait, vous n'avez pas le choix. Soit vous le suivez maintenant, ou vous le retrouvez plus tard. Soit vous le suivez maintenant, il vous conduit là, il veut que vous allez avec vous. Ou bien vous le laissez maintenant, il part. Le jour là, vous le rencontrez devant là-bas. Quand vous allez le rencontrer là-bas, il n'y a pas le temps de nettoyer sa vie. C'est ici sur la terre. C'est ça, Ecclésiaste chapitre 12 dit que prends garde à la voie que tu suis. Voici ce que tu dois faire tout homme. Crains l'Éternel. Car il va ramener toute œuvre en jugement sans ce qui se fait sous le soleil là. Soit en bien, soit en mal. Vous me suivez? 1 Jean chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 8 là. Je vous ai dit que je vais vous donner le verset tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, notez donc les versets 8 à 12. Donc, mais je vais... Ma reste arrêtée, il va lire le verset 8 au verset 10. Parce que je vous ai dit qu'il va vous donner le verset. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 12. Mais il va lire le verset 8 à 10. Écoutez très attentivement. Celui qui pêche, vous êtes là? Oui. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Puis on dit. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable pêche dès le commencement, c'est l'initiateur du péché et il a introduit ça dans le monde. Donc, si quelqu'un commence à vivre dans le péché, continue à vivre dans le péché, il prend la partie du diable. Le verset explique qu'en fait, le Fils de Dieu est venu pour détruire ces œuvres-là, détruire la puissance qui était derrière ces choses-là, afin qu'on vive maintenant dans la liberté. Mais maintenant, si on continue à vivre dans le péché, alors que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, ça suppose qu'on a pris clairement parti. Et pour Satan contre le Fils de Dieu. Nous sommes d'accord? Regarde quelqu'un, pointe-lui le doigt dans le nez. Dans le nez, de cette fois-ci, dans le nez. Dans le nez. Dis, tu prends parti pour qui? Pointe sur le nez, il est bien sur le nez pour qu'il voit bien ton doigt. Tu prends parti sur qui? Il dit, celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dans le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin, le but pour lequel il est venu, c'était afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9, il dit, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il a ôté le péché. Jean-Baptiste a dit de lui dans Jean chapitre 1, chapitre 2, verset 25, il dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment le Fils de Dieu a versé le sang précieux sur la croix et tu continues à blaguer? Comment on peut continuer à blaguer avec cela? Alors beaucoup de problèmes donc, qui viennent de nos vies, c'est à cause du fait du jugement qu'on donne l'ouverture. Le Christ a payé clairement par rapport au péché, nous venons encore donner. Donc ça veut dire que si un démon vit dans nos vies maintenant, nous avons donné le droit d'accès. Parce que la Bible va en disant à ce démon-là, de ce démon-là, qu'il a dépouillé, disant du Seigneur Jésus, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc Dieu a dépouillé de leur pouvoir. Et c'est que si nous nous plaçons en lui, comme il a dit dans Luc chapitre 10, et alors maintenant nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Vous ne pouvez pas vous targuer d'avoir ces versets que celui qui est en moi plus grand que celui du monde, je marche sur le serpent. Vous ne pouvez pas marcher sur le serpent vivant dans l'iniquité. Ce n'est pas possible. Il faut quitter cette voie. Il faut changer de camp. Vous me suivez? Il faut changer de camp pour être du côté du Seigneur Jésus-Christ, pour commencer à marcher maintenant dans la puissance du nom de Jésus. On ne peut pas marcher avec le nom de Jésus-Christ étant dans le camp de l'ennemi. Vous me suivez? Donc ici, il dit verset 9, « Or, quiconque demeure en lui... » Enfin, verset 5, regarde le verset 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui les péchés. » D'accord? Maintenant, verset 6 dit, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » C'est ce qu'il écrit. Si tu demeures en Christ, tu ne pêches point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et vous voyez, les gens qui se disent enfants de Dieu, même au milieu de l'église, pêchent entre eux. C'est terrible. C'est terrible. Des comportements mondains à outrance au milieu de l'église. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Verset 8 maintenant, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le signe donc que la semence de Dieu est en toi, c'est que tu ne pratiques pas le péché. Tu ne peux pas te plaire dans le péché. Et le péché, vous voyez les chrétiens qui sont dans la rébellion. C'est-à-dire qu'ils voient un commandement où il dit qu'il faut que Dieu le convainc. Le commandement de Dieu est écrit par exemple. On dit que tu dois te baptiser. Il dit que non, il faut que Dieu me convainc. Donc il faut que Dieu écrit notre Bible encore dans le ciel. Ou bien dit en bas que « Baptise-toi !» Alors qu'il a dit ici que allez prêcher, dites-leur, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. N'a-t-il pas déjà dit? Amen. Pourquoi donc il va encore dire autre chose? Donc, la désobéissance tout simplement. Il dit que verset 10 maintenant, non, je vais lire encore le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure, habite. La semence de Dieu a fait son tabernacle en lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, la vraie nouvelle naissance vient, Dieu t'emprisonne. Dieu t'enchaîne. Il donne une nature nouvelle en toi qui est le péché. Une nature qui ne peut pas te pousser vers le péché. C'est pour cela qu'on ne peut pas avancer avec le cœur vrai, avec le Seigneur, avec ces choses-là attachées. Il faut donc, premièrement, la délivrance. Pour servir Dieu de la bonne façon, si vous avez la bonne disposition du cœur, il faut la délivrance des œuvres mortes. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'on se dépouille. On se revête du Seigneur Jésus-Christ. On va voir toutes ces choses-là dans la pratique. Comment se revêtir du Seigneur Jésus. C'est une chose que ça soit écrit comme ça. C'est une autre chose. On ne peut pas savoir ce qu'il en est. Le frère Haché, comme il raconte là, il n'a jamais su ce qui est arrivé cette soirée-là. Il n'a jamais su. Il n'a jamais su ce qui est venu vers lui. Il n'a jamais su. Lui, maintenant, il peut commencer à parler maintenant de ces choses-là. Alors il reste à distance, il fait ouah, ça fait pas, il entend quoi ici, là il ne sait pas qui est devant. Entre lui et moi se trouve un être. Il ne sait pas. Alors cet être-là dit, tends la main. Il a entendu la voix de ce petit garçon. C'est pour ça qu'à la radio, il entend la voix du tonnerre, il vient voir un petit garçon, mais la voix là n'est pas proportionnelle. Quand lui il se tient là pour prêcher, c'est une autre personne. Alors qu'il se tient là, il tend la main, il fait pam, il tape sa main. Il vient vers moi, mais il regarde ses mains, il fait pam. Vous avez déjà vu dans votre Bible, offrez donc vos membres comme les instruments de justice. Vous avez dit ça dans Romains chapitre 6, là, verset 12 à 19. Offrez vos dons aux membres. Si ces membres sont offerts comme des instruments de justice, il peut l'utiliser à tout moment, faire n'importe quoi. Alors il a tapé sa main, pam! Il a pompé là quelque chose, là, pouf! Il soufflait toutes les choses. Quand on fait les armes, il y a les techniques, les méditations. Les méditations pour se concentrer. Regardez bien, il y a des choses que les gens font. Vous voyez, on fait les yoga. On fait des choses comme ça, les techniques. Ces choses-là emmagasinent ce qu'on appelle l'énergie de la nature pour entrer en soi. Ce qui fait que tu as des certains pouvoirs. Il peut rester comme ça, il fait pam sur le mur, il touche de l'autre côté. Alors c'est ça que le Saint-Esprit a enlevé dans lui. Mm-hmm. Bam! Mm-hmm. Dieu voulait lui montrer que Dieu peut faire le karaté. Bam! Alors il a entendu ça. Enlever toutes ces choses-là, toutes ces choses. Les endroits où c'est sorti sont les portes d'entrée. Quand il dépose les pieds comme ça, quand il se connecte, le soleil... Bon, c'est la chose, c'est pas le moment. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors quand ça fait comme ça, tu étais libre, tu te sentais léger après cela. Vraiment, n'est-ce pas, frère? Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui arrive? Faites attention. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur de la bonne façon sans être libre. Vous devez être délivré. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont au milieu chrétien. Vous voyez, quelqu'un vit dans le petit amétisme. Vous voyez, quelqu'un fait 2, 3, 4 mois, il part coucher encore avec un garçon. Le garçon peut coucher, l'autre se masturbe parce que Dieu ne dépend pas de la délivrance. Il faut une nette séparation entre le monde et vous. S'il n'y a pas ça, tu vas continuer, Satan regarde comme ça, il regarde son filet. Le jour où tu dis Jésus, Jésus est mon ami, Jésus est ton ami, hein. Il envoie un gars avec toi, que mamie ça va, ça fait poum dans son cœur. Tu reviens encore là-bas. Vous dites Seigneur, Seigneur, j'ai péché. Vous devez vérifier votre vie spirituelle pour voir vraiment que vous avez vraiment coupé le monde. Alors je vous pose la question maintenant individuellement. Êtes-vous prêt donc à suivre Jésus-Christ à toutes les conditions, à lui à obéir totalement? Réfléchissez avant de poser les questions. Réfléchissez avant de dire Amen. Amen, c'est le nom du Seigneur Jésus. Ok, vous avez encore appelé. Hein? Ok. Amen. Alors, Amen encore. Hein? Amen. Ok, encore même. Hein? Ok. Alors, la Bible déclare que quiconque prononce Amen là, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, il ne faut pas que notre témoignage soit faux. Il faut que ce qui sort de ma bouche et ce qui est ici soit vrai. Soit là. Il dit bien, je recommande. Je sais que je suis ici pour une mission. Les gens peuvent ne pas connaître. Parce que pour les gens du Cameroun, écoutez très attentivement, c'est voilé à leurs yeux. C'est voilé à leurs yeux. Je le dis maintenant pour que vous commencez à savoir, parce que des choses vont commencer à arriver. C'est voilé à leurs yeux. Mais pour d'autres à l'extérieur, ils vont la voir. Pour d'autres à l'extérieur, ils vont la voir. Parce que maintenant, la porte est ouverte pour eux. Je suis ici, j'ai pris pour le Cameroun. C'est toujours à l'extérieur que les missiles partent. J'ai pris pour l'extérieur que les missiles partent. J'ai pris ici, c'est à l'extérieur que les missiles partent. Il dit, c'est comment? Le seul de l'extérieur, il dit, Seigneur, je vais rester dans ce pays-ci pour ceux de ce pays-ci. Mais le jeu dit, il est obligé de partir. Il dit ici que le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, la vie de Dieu venant dans un être ne le conduira pas dans le péché. Parce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça. Alors, je pose la question. Est-ce que nous marchons dans la vie chrétienne, nous voyons que les anciens péchés encore ont du pouvoir sur nous? Si c'est oui, stoppons. Réglons ce problème-là avant de continuer. Sinon, vous allez continuer comme quelqu'un qui a de marcher, une pierre entre dans sa chaussure. Ça lui fait du mal, il continue à avancer. Tôt ou tard, ça va te créer des problèmes là-dedans. À un moment donné, quand ça crée la blessure, même la chaussure, tu ne peux plus porter. Donc, ça vaut la peine de t'arrêter un moment, enlever ce qui crée le problème. D'accord? Donc, dis à ton voisin, fais un stop. Et traite ton problème. Avec Dieu. Maintenant, pour traiter ce problème, il y a deux volets. Il y a le volet de la pratique qui est sur le cœur, c'est-à-dire que vous entretenez un péché qui vous plaît sur le cœur. Quand vous voyez très bien, vous confessez ça, mais ce n'est pas vrai. Restez devant le Dieu avec ça, devant Dieu, avec la prière et le jeûne, ça va régler. De deux, il y a le problème, si particulièrement que le Saint-Denis nous montre depuis quelques jours, le problème de la pornographie, c'est un problème en milieu chrétien. La sexualité, le péché sexuel est un vrai problème en milieu de l'Église, il faut qu'on doit cela. Avec la plus grande énergie. C'est pour cela donc que Dieu, quand il vous dit, il parle de ces choses avec les habillements, la femme, vous ne comprenez pas pourquoi le Saint-Esprit est fâché comme ça. Parce que c'est ça qui entraîne le péché dans l'église. Les gens peuvent ne pas comprendre parce qu'ils sont voilés. Mais ils sauront que Dieu, quand Dieu va se lever, ils sauront ce qu'il en est. Chacun va chercher, vous allez tirer votre jupe pour que ça arrive en bas. Sans vous en rendre compte, en voyant que la jupe est ici, vous allez comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas de moi. Qu'est-ce que j'ai à en foutre avec votre habit? J'ai ma femme ici à la maison. Donc Dieu est là. Le Dieu dit, c'est cela. Pas que ça le dérange. Parce que quand tu fais cela, ça pousse quelqu'un au péché. Il n'aime pas cela. Donc, quelqu'un pêche à cause de toi. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes habillé ou n'êtes pas habillé, il connaît ce qu'il y a en vous. Du début jusqu'à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parce que ça crée le problème pour les autres. Vous comprenez cela, frère? Jésus a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, on n'a pas dit que si une femme regarde un homme pour le convoiter. Jamais. C'est l'homme qui regarde la femme parce que la femme a été conçue pour séduire. Son cœur. Son corps, ses yeux. Proverbe chapitre 6, ouvrez ça. Proverbe chapitre 6. Rapidement, on fait un détour pour avoir de venir. Jésus dit comme ça parce que le péché, regardez bien, les femmes qui vont à l'église aujourd'hui portent un sac ici. Le sac, c'est le péché ici, le sang, le péché. Elles arrivent au milieu de l'église, elles ouvrent cela. Ça sort comme ça, le péché. Donc elles marchent avec le sac de péché en elles. Proverbe. Quand elle vous dit que Satan vous aime, il veut vous fiancer, vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. Vous avez moi. Maintenant, tournez-vous vers les jeunes filles, tournez-vous chaque. Regardez les jeunes filles. Dis que toi, je m'adresse aux garçons maintenant. Dis toi, jeune fille. Toi, jeune fille. Tu me fais pécher encore. Tu me fais pécher encore. Je t'ai trahi devant Dieu. Voilà. Proverbe chapitre 6. On y va. Il va lire le verset 20. Il va m'arrêter à 25. 20 à 25. Vous êtes déjà. Mon fils, garde les préceptes de ton père. C'est un garçon qu'on a de parler. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. l'île est constamment sur ton cœur. Vous avez vu le problème? C'est là-bas que ça se trouve, le cœur. Il faut que l'enseignement entre dans le cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Donc l'enseignement qui aura entré dans le cœur vont te faire garder, n'est-ce pas? Ils te garderont sur ta couche, donc même quand tu vas te coucher. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront, ces enseignements, ils te préserveront de la femme corrompue. Qu'est-ce que c'est qu'une femme corrompue? Pas qu'une femme à qui on a donné l'argent pour prendre le tournoi, pas la corruption là-bas. C'est-à-dire qu'une femme qui, quand la Bible parle de la corruption, ici, c'est la pourriture, la puanteur, la mort. Une femme qui produit la mort, la corruption. C'est n'est-ce pas? Ici, il dit, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. On n'a pas dit de l'étranger. Donc, les femmes qui parlent avec le rouge à lèvres. Il dit, merde, la fille a les beaux sourires. Hein. Voilà son sourire qu'elle est entrée, quelqu'un dans le péché. Regardez. Vous fâchez maintenant, vous n'avez pas le choix. C'est ça là-dedans, la Bible, non? Ok, maintenant là. Mais là, si vous voulez déchirer la page maintenant où j'étais, vous allez acheter le Bible, ça va se retrouver là-dedans. Maintenant, regardez, verset 25. Ne la convoite, souvenez-vous, on en a parlé à un fils. Ne la convoite pas dans ton cœur pour. Vous trouvez, n'est-ce pas? Et ne te laisse pas séduire par. Donc, vous avez des problèmes, vous les femmes. Ne te laisse pas. C'est pourquoi Satan a fait les œuvres, les choses là où vous mettez. C'est un but. Vous mettez là-bas. On appelle ça les phares. Les phares. Quand le frère s'y conduit. Quand tu as la nuit, quand il y a l'obscurité, tu fais quoi? On met les phares. Les phares pour briller. Et quand on met les phares, quand tu es à distance, tu vois que quelqu'un est venu avec les phares. Même les feux rouges. Même les feux rouges, même. Ah. Donc s'il y a les phares sur les yeux, le feu rouge c'est sur la bouche. Ça marche comme ça. Faisons attention, Dieu veut dire, là dans le Saint-Esprit, depuis le haut du ciel, veut dire que la femme, prenez attention, votre corps a des problèmes. Votre corps a des problèmes. Alors, donc, nous rentrons dans notre enseignement. Donc, Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, que nous avons lu du verset 5 jusqu'au verset 9, dit clairement que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Si quelqu'un pêche dans des hommes, il a pris parti pour le diable, parce que le Seigneur est venu régler le problème du péché, n'est-ce pas? Et dans le chapitre 3 de Jean, verset 20, 19, 20, il a dit que quiconque est la vérité demeure dans le ténèbre. Il ne vient pas venir parce que leurs œuvres sont mauvaises. Est-ce que vous pouvez véritablement laisser le Saint-Esprit discerner vos œuvres? Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. C'est terrible. C'est terrible. Seulement si on entre dans la vie, on dit ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'en parlerait pas. C'est votre, n'en parle pas. Il y a quelqu'un qui a dit que pardon. Ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Vous dites à votre cœur, pardon, j'entends le haut-parleur. C'est comme si on a mis ça sur l'amplificateur. Pardon. C'est pas pardon, c'est pas moi. C'est pardon, là, dites cela au Seigneur et arrêtez cela. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, laissez Dieu agir, comme il a agi avec celui-ci. Laissez Dieu agir. Si vous donne mon appel, comment il m'a appelé, oh là, vous pouvez me repérer. Laissez-moi tranquille comme ça, là, suivez la Bible. D'accord. Donc, dans Jean au chapitre 12, nous avons lu Jean chapitre 12, versets 35 et 36. Il a dit que pendant que vous avez la lumière au milieu de vous, marchez dans la lumière afin que vous ne soyez pas poursuivis par les ténèbres. N'est-ce pas? Nous avons lu Jean chapitre 3, verset 13 à verset 20, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? On a lu 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10. Je vous ai donné également Luc chapitre 10. Le verset 17-19, vous connaissez cela. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Ne réclamez jamais ce verset tant que vous n'êtes pas délivré. Ça va vous faire du mal. Parce que vous ne pouvez pas aller combattre l'ennemi avec ses armes. Ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas délivré, restez déjà dans l'autre camp. Que Dieu vous transporte de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. Il faut que ça soit accompli. Si c'est accompli, vous entrez dans la lumière. Vous avez la lumière en vous. Maintenant, vous pouvez commander au nom de Jésus. Alors, vous voyez, les gens tournent les films. Quand on fait des choses, vous ne comprenez pas le mal qu'il y en a. Vous voyez, la Hollywood TV, ou Hollywood, quelqu'un tourne avec les gens, dit que in the name of Jesus. On blague, les gens pas y rire. Ils ne savent pas qu'à cause de ça, ils vont être amenés en jugement. Ils disent non, c'est tout un film. Dieu ne nous a pas envoyé sur la tête tourner des films. Tournez ces films-là, vous allez être jugé pour cela. Parce qu'on prononce le nom de Jésus-Christ en vain. Me suivez? Vous ne savez pas que c'est un problème. Quelqu'un fait la comédie à la radio, il dit in the name of Jesus. Il blague. Il traite le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en dérision. Attendez seulement. Quelqu'un dit, il te ment pas, au nom de Jésus. Et ils font ça en train de mentir. Et la Bible déclare, ne juge pas. Il juge en mentant. Tu le regardes comme ça, il est sérieux plus que le pape. Et il est en train de mentir. Il y a des gens qui viennent s'asseoir là-bas, mari comme femme. Une femme vient d'abord et parle. J'ai dit à ma femme que c'est le Saint-Dieu de mentir. Il y a telle chose, telle chose, telle chose qu'elle a fait. Garde cela. Ma femme, elle s'assoit là-bas. On dit, appelle son mari. Son mari dit, tu as vu, non? Il dit, maintenant, même le mari aussi ment ici. Les deux, ils sont devant toi. La femme vient mentir sa part. Il présente que comment le mari est mauvais, le mari est mauvais, le mari est mauvais. Tu le discernes. Quand vous parlez, plus votre esprit est ouvert, on peut détecter des choses. Vous devez savoir cela. Quand plus vous parlez, plus on veut détecter ce qu'il en est. Donc, plus vous parlez, plus votre esprit se déploie, l'énergie se déploie, on peut discerner votre esprit. Alors, il se tient là, il ment, sa femme se tient là, il ment. Après, quand ils sont dans la séance, il lui pose la question que toi, qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez, la femme commence, si elle peut disparaître, elle peut disparaître. L'homme, tu parles comme ça, l'homme dit qu'il m'en veut pisser. Parce qu'en réalité, on a touché là où il ne faut pas toucher. Le mensonge, pourquoi tout cela? Et c'est la personne que tu aimes. Donc, faisons attention. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6. Là, nous y sommes maintenant. 1 Corinthiens chapitre 6 que je vous ai donné aujourd'hui. Après ça, on va prier. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord qu'après, on prie? Vous savez ce qu'il est en... vous avez dans votre vie qui vous traîne. Des choses qui vous traînent. Que vous savez très bien que ici, c'est le péché, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes peu nombreux ici? C'est comment à dire quelque chose? Vous pouvez détecter que c'était une personne qui ne parle mieux. Je parle en parabole. Donc, je ne parle pas en parabole. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. Regardez bien. Ne vous y... Non, non, attendez là-bas. Vous avez ouvert? Regardez. Notez les versets 9 et 10. Puis, vous notez le verset 19. Non, prenez le verset 17 à 20. Notez les deux là, sautez là. Donc, notez les versets 9 et 10. Puis, on va lire le verset 17 à 20. Verset 9 commence par quoi? Trois mots. Le verset 9 commence par? Stop. Ne savez-vous. Donc, vous devez ça savoir. Amen. Allons-y. Lis, frère Achille. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc, vous devez savoir cela. Vous devez savoir que ceux qui pratiquent l'injustice, tout ce qui est de l'autre côté de l'injustice, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais vous voyez les gens au milieu de l'église vivre les mêmes péchés que ceux du monde sont en train de vivre. Et ils s'attendent à ce qu'ils croient comme ils chantent. Oh, oh, bien aimé, chantez, c'est comme il a la bonne voix. Et que tout le monde apprécie les belles voix. Dieu n'apprécie pas les belles voix. Si Dieu veut apprécier les belles voix, il va admettre les voix des crapauds. Écoutez, restez tranquille, écoutez la vidéo. Vous entendez partout. Le criquet chante, les crapauds chantent, ils louent. La Bible déclare que toutes les œuvres de l'Éternel le célèbrent. Donc, si tu chantes les œuvres, le crapaud fait comme ça le matin, en sortant, il prie Dieu, il peut manger. Vous savez ça? Le corps se lève le matin, vous entendez comment le corps veut chanter, ça fait non? Il fait comme ça. Comme ça. Merci Seigneur pour le jour que tu nous as donné! Toi, tu es à la maison, tu dis que le corps se fait comme ça parce qu'il est 5 heures. Toi, il te donne l'indication pourquoi tu ne peux pas chercher l'argent. Alors que lui, il est en train de louer seulement Dieu. Toi, tu te lèves maintenant, lui, il est en train de louer Dieu, toi, tu coupes pour aller chercher l'argent, maman. Et le corps est en train de célébrer Dieu. Lui, il sort, il n'a pas de chant. Il se place, pas. Toi, comme tu ne peux chercher l'argent, là, tu sors en cherchant ton couscous. Tu ne sais pas que c'est à lui que Dieu a donné. Dieu, comme il a loué, Dieu le conduit. Mange un peu de couscous. Il mange. Quand tu prends la queue, laisse mon couscous. Il fait, c'est quoi? Dieu m'a envoyé ici manger. Vous entendez le corps fait. Il a de vous dire que Dieu m'a envoyé ici manger. Vous croyez que le corps a un champ qui n'est pas cultivé? Amen. Alors, toutes les œuvres de Dieu louent, sauf l'homme qui veut louer Dieu à la manière que celui qui a décidé. Le corps loue Dieu de la même façon depuis. Le crabe loue Dieu de la même façon depuis. Les singes louent Dieu de la même façon depuis. C'est nous qui chantons. Nous changeons. Vous voyez, une seule chante comme ça. Après, elle va dire, oh, oh. Il y a les répétitions de choral, n'est-ce pas, mes chers? Répétition de choral pour que la voix sorte bien. Dieu vous a demandé que vous avez le problème avec le voix. Dieu a dit que vous avez le problème avec le voix. Dis à ton voisin que Dieu a dit que tu as le problème avec ta vie, pas ta voix. Que ce n'est pas ta voix que tu parles là qui a le problème. Parce que si ta voix ne sort pas, tu exprimes dans ton cœur. Il entend. Donc ce n'est pas la voix audible qui est le problème. C'est ta vie visible qui est le problème. Vous me suivez, n'est-ce pas? Dans les répétitions du Coran là, gardez ça de côté. Répétez-vous à la maison dans la repentance. Dis à ton voisin, c'est la répétition de la repentance. Pas la répétition de la chorale. La chorale fornicatrice. La chorale fornicatrice. Petit amétiste. mouchardage, calomniatrice, murmuratrice. C'est la repentance qu'il faut. Passer le temps dans le jeûne et la repentance et observer ce que Dieu va faire. Si vous passez le temps, vous les femmes, vous passez le temps dans le jeûne et la repentance, vous allez voir que Dieu va vous calmer. Au lieu d'être extravagant, sortant dehors, Dieu va vous montrer, 1 Pierre chapitre 3, que ayez non cette apparence, mais la parure intérieure est cachée. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que c'est pareil aux autres, les saintes femmes. On dit que, regardez les saintes femmes dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que c'est pareil. Comme Sarah, comment elle faisait? Quand son mari parlait, elle dit que oui Seigneur. Aujourd'hui, j'ai les maîtrises, j'ai fait quoi à la maison? Tu as les maîtrises, tu maîtrises quoi? Tu travailles même quoi ici là? C'est toi qui garde l'enfant, c'est l'homme qui garde l'enfant à la maison, la femme travaille. Vous voyez là, on est là maintenant, aujourd'hui là maintenant, 21e siècle de la femme. Siècle de la femme là aussi. Alors maintenant, j'ai fréquenté pour faire quoi? J'ai les diplômes, il faut qu'il parte. S'il meurt demain maintenant, donc c'est toi, tu veux le tuer maintenant déjà même. Alors il y a un problème en milieu de l'église. Souvenez-vous, le standard, tant que vous allez copier le standard sur le monde, vous allez rater le plan de Dieu. Il faut qu'on retourne au standard de Dieu. Donc le standard de Dieu c'est, femme, vous, restez tranquille, restez dans le silence, priez, Dieu va transformer votre caractère. Alors vous allez voir comment Dieu prend une femme qui était tellement désolée qu'on connaissait et le rend humble, humble, brisée, parce que son mari regarde comme ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le caractère intérieur qui est d'un grand prix devant Dieu. Regardez ce que Dieu demande à la femme. Une femme aujourd'hui va dire que les âmes périssent dehors. Elle-même, elle n'est pas encore entrée. Elle dit les âmes périssent dehors. Alléluia. Sortant, aller prêcher. Elle n'est pas prêchée. Sa vie n'est pas en règle. Donc, en sortant prêcher, elle désobéit déjà. Donc, même si elle prêche, les gens entrent, elle n'entrera pas. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a un problème. Donc, Dieu dit, voici ce qu'il attend qu'une femme a. Quelque chose qui est d'un grand prix. Remarquez bien, Dieu dit que ceci est d'un grand prix devant Dieu. Mais les femmes devaient poser la question. Si c'est un grand prix devant Dieu, je vais faire tout pour honorer Dieu. C'est-à-dire quoi? Je vais devant Dieu pour que Dieu traite mon caractère. Donc Dieu veut dire par là, par nature, les femmes sont insoumises. Par nature, son esprit est tentatrice de domination. Il faut donc que ces femmes se retournent devant Dieu. Dans le jeûne et dans la prière, pour que Dieu transforme son caractère, pour qu'elle puisse, quand l'homme puisse parler, pour qu'elle dise oui, chef. Sans dire que tu as ta chance que c'est la Bible qui dit ça, c'est qu'il devait te. Alléluia. Pour que tu obéis tout simplement en comprenant que c'est ta place. La main, votre petit doigt là, vous appelez quoi? Le ricolet, c'est quoi? Le plus petit des doigts là. Il n'a jamais dit que ouais, pourquoi celui-ci est géant depuis, il faut qu'il grandisse. Vous avez vu ça? Si ta main s'est grandie, pourquoi ceci, vous aurez le problème? Parce que normalement, c'est fait pour que la taille soit petite, pas vrai? Elle s'est déjà plein. Mais c'est la femme qui regarde le voisin comme ça, elle dit que merde, le voisin a dans le master. Mais j'ai le BTS, non, il faut qu'il m'inscrive encore. Pourquoi elle doit avoir le master? Quand elle arrive maintenant, elle déménage, elle est quelque part. Une femme passe son sang, dit que la dame là, elle a le docteur. Elle dit quoi? Doctorat? Non, il faut qu'il m'inscrive aussi en doctorat. Vous doctorez quoi? Vous cherchez quoi? Dieu dit ta place est à la maison, restez dans le silence. Dieu n'a pas dit que si tu fréquentes, tu es intelligente, à l'école, tu as le docteur, les gens te respectent, c'est un grand prix. Il a dit que la parure intérieure est cachée. La pureté incorruptible d'un esprit doux est paisible. Là-bas, pour composer ça, les femmes échouent là-bas beaucoup. Là-bas, dans l'école là. Pour avoir un esprit doux et paisible, les femmes échouent beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne passent pas par l'école là. Elles n'aiment pas s'inscrire là-bas. Amen. Amen. Vous allez vous inscrire, madame? Vous voulez vous inscrire, mesdames? Amen. Alors maintenant, ça veut dire que premièrement, vous devez commencer à appeler votre mari, mon Seigneur. Même ça fait mal dedans, dis mon Seigneur. C'est toi le chef. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai commandé, t'ai parlé à haute voix. Chaque fois que vous avez parlé en élevant la voix plus que votre mari, vous avez péché devant Dieu. Même s'il a tort. C'est ce qui est dit dans le ciel. Si vous refusez ça, fuyez. Peut-être vous pouvez venir comme ça, vous dire que non, le gars là, il dit trop la vérité, je fuis. Ne venez pas. Quand vous avez entendu là, vous avez déjà entendu. Allez devant Dieu un de ces jours, quand vous allez vous présenter devant lui, la voici, on va mettre là, tu vas écouter. Parce que ce jour là, on sera au ciel ensemble. Je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, je serai là-bas, au jour du jugement. Mon trône est quelque part là-bas. On va s'asseoir là-bas, on va juger cette terre-ci. Je vous le dis au nom de Jésus, on va prononcer le jugement sur cette terre-ci. Alors, il faut que chacun règle son problème maintenant avec Dieu. Vous, les femmes, vous avez un problème. Votre esprit a tendance à sortir pour être homme. C'est pour ça que vous voulez porter le pantalon. Vous voyez, une femme porte le pantalon, elle fait comme ça, elle soulève bien pour montrer qu'elle se sent ici dehors. Oh. Elle porte le pantalon comme ça, elle arrive dans le WC, on a porté la jupe, elle n'entre pas là-bas. Elle ne pose pas la question que j'ai vu la jupe dans la porte, j'ai le pantalon ici. Et ça ne lui dit rien pour montrer qu'elle est possédée. Que Dieu vienne nous aider, n'est-ce pas? Amen. Donc dans Josué chapitre 24, allons-y là-bas, lisons là-bas. pardonnez-moi que je sois comme ça. Si je ne suis pas comme ça avec vous, je ne m'en sortirai pas devant le Seigneur. Pardonnez-moi. Mais quand je dis pardonnez-moi, c'est pour dire que ça s'est bien fait pour vous. Donc vous comprenez que ce n'est pas pour dire que je regrette. Pour qu'on soit clair, ce n'est pas pour dire que je regrette. Il dit pardonnez-moi parce que, bon, chapitre 24 de Josué. On y va. Il vient à partir du verset 14. Josué, chapitre 24. Josué, c'est le sixième livre. Donc, après Deutéronome, vous trouvez directement Josué. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, vous avez Josué. Je vous ai donné ce Josué, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Souvenez-vous, on n'a pas fini avec 1 Corinthiens, chapitre 6. Parce que je vous ai dit, lisez le verset 9 à 10, puis le verset 17 à 20. On arrive là. On arrive. On peut y aller. Verset 14, écoutez attentivement. Verset 24, chapitre 24, verset 14 de Josué. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Soulignez ces deux mots. Avec quoi? Et fidélité. On y va. Vous avez moi? Ok. Et il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Donc vous voyez effectivement, il y a le principe de la séparation ici. Donc pour dire que vous voulez continuer avec Dieu dans l'intégrité et la fidélité, première chose, il faut se séparer des principes du monde. Pour les Juifs, ils étaient en Égypte, donc ils avaient un système d'Égyptiens qui suivaient. Pour avancer vers le Seigneur, il fallait qu'ils coupent le pont avec le système qu'ils avaient initialement là-bas. Vous me suivez? Alors pour le chrétien aujourd'hui, avant que tu ne connaisses Christ, ou bien tu commences à avoir des renseignements sur lui, on vit dans un système. C'est pour ça que vous voyez, les chrétiens commencent à poser des questions. Est-ce que les chrétiens peuvent suivre la boîte de nuit? Les chrétiens peuvent aller en boîte? Est-ce que c'est mal si ils chantent les musiques mondaines? Même les musiques de longueur, longueur. Il vous montre les musiques de longueur, longueur, c'est écrit dans la Bible. Si vous montrez le verset, rappelez-moi seulement, je vais vous montrer ce qu'il en est. Pour vous comprendre ce qu'il en est. Il dit longueur, longueur, c'est juste pour le c'est dans la Bible là. Alors, est-ce qu'il peut chanter? Est-ce qu'il y a du mal à ça? Et on parle de l'amour dedans. Est-ce que Dieu a dit qu'on ne parle pas de l'amour? Même Satan parle de l'amour. Quand il prend sa disciple, il dit que je t'aime mon fils, je vais te donner des biens sur la terre. C'est pas ça? Mais c'est la haine qu'il a dit comme ça. Alors, si les chrétiens comprenaient donc effectivement qu'il y a un principe de séparation, ils devaient avancer avec Dieu. Donc, le vrai problème donc avec le chrétien du 21e siècle, c'est qu'on veut avancer avec Dieu tout en ayant les pieds dans le monde. Et Jésus installe le principe de la séparation d'abord avec le principe mondain avant d'avancer avec le Seigneur ici. On va y revenir dans ces jours encore sur la ligne rouge doit être tracée. Alors, il dit ici donc, séparez-vous donc, regardez bien verset 14 là, la partie B, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, il faut que telle chose disparaisse pour qu'on puisse servir. Mais le problème maintenant, c'est que on quitte dans le monde avec des traditions pour les uns, ils veulent venir imposer les mêmes traditions dans l'église. Vous entendez quelqu'un, un bassa par exemple, le bassa, il dit que chez nous le bassa, il est chrétien, hein, chez nous le bassa, nous n'épouserons pas les bamilikés et il est chrétien. Donc, sa tradition l'a poursuivi jusqu'au milieu de l'église. Quand quelqu'un est bamiléqué, l'autre et il est chrétien, l'autre est bassa, il est chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien en eux? Et qu'est-ce qu'il y a de bassa? Vous me suivez? Quand quelqu'un est bassa, tu l'appelles frère. En tant que chrétien, si quelqu'un est chinois, tu l'appelles frère. Dis à ton voisin que l'amour donc. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes un peuple d'amour. Exprimez-vous. Donc ici il dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas ce qu'il vous dit aujourd'hui? Donc, si vous ne voulez pas servir Dieu, déposez la Bible, rentrez tranquillement. Donc, Josué, le prophète s'est tourné. Je ne peux pas vous dire, il y a certaines choses que ce n'est pas le moment de parler. Il y a des moments, l'autre dimension, on va parler de ces choses-ci. Il s'est tenu là, la vision lui est venue, il a vu le devant, il a vu ce qui devait arriver. Quand il a prié, il a vu ce qui est arrivé, il est rentré vers le peuple, il dit waouh. Et Moïse a vu la même chose. Moïse a vu la même chose parce qu'il est convoqué là-bas pour lui donner. Que, prenez ces cantiques ici, chantez ça pour que ça reste là-bas. Il chante les cantiques comme ça contre eux. Il chante jusqu'à ce qu'il dit Amen. Comment on dit pas ici, on dit Amen. Il chante, ils disent Amen. Et Dieu a donné le cantique pour qu'il chante, pour que ça reste toujours dans la mémoire, pour montrer comment ils seront coupables. Josué a vu cela, Moïse a vu cela. Dans le futur, il a vu, waouh, quelque chose est arrivé. Mais il ne voit pas le nom. Parce que les aigles ne regardent pas au même endroit que la poule. Quand il a vu là, il a dit waouh. Il dit non, ce que je vois là devant, c'est ce qui, en langage prophétique, ce qu'il a dit, ce que je vois là devant, ça ne doit pas vous laisser. Maintenant, là, que chacun fasse son choix. Soit vous servez Dieu comme il veut, avec intégrité et fidélité, et vous vous en sortez là-devant, ou bien choisissez aujourd'hui, quittez à partir d'aujourd'hui, ne vous faites pas des tournures comme si vous servez Dieu alors que vous ne servez pas, et puis vous allez vous tromper là-bas. Donc il avait les yeux au-delà. Il dit que, quand il a vu ça, il dit qu'il a pris la décision, lui et sa maison, de servir, et servir Dieu. C'est n'est-ce pas? Ok, maintenant, regardez verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Écoutez, tout ça, attentivement. Vous prenez n'importe quelqu'un au milieu des gens qui ont dit Seigneur, Seigneur. Suivez attentivement. Vous allez chez les catholiques. Ils vont lire la Bible dans Matthieu, chapitre 16, où j'ai dit là. Que plusieurs me diront, oh, ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Même les catholiques lisent ça dans la Bible. Vrai? Vous allez chez des témoins de Jéhovah. Ils lisent ça. Pas vrai? Que plusieurs me diront, ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Parce que dans la Bible, ça se trouve aussi. Mais le vrai problème, c'est que personne ne veut admettre que ça parle de lui. Personne ne veut admettre que ça parle de lui. Mais alors, si on descendait de la bonne façon en disant que le Seigneur a dit que c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui vont entrer. Si on descendait plus bas que de ces versets-là. Alors, il se pose la question, ok, nous ici, nous prononçons aussi, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Si on prend le cas des catholiques, il est écrit clairement dans la Bible, dans Exode chapitre 20, verset 4, qu'on ne fasse point d'image taillé, ni de représentation quelconque qui se trouve dans le ciel sur la terre. C'est écrit. Amen. C'est l'un des commandements là-bas. Et Dieu dit qu'il était un Dieu jaloux qui va punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'aux petits-enfants, jusqu'à la millième génération. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Alors, ce seul commandement-là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, le commandement, c'est écrit. Oui, mais on ne fait pas, on n'adore pas seulement. Dieu a dit que vous ne vous ferez point. Il n'a pas dit ne le faites point et n'allez pas les adorer. Il a dit d'abord, vous ne devez pas le faire. Il n'y a pas de justification. Voilà donc un commandement qui vient de les arrêter. Vous suivez, n'est-ce pas? Il peut prendre comme ça, dénomination après dénomination. Dénomination après dénomination. Vous allez voir que quelque chose va les arrêter. C'est pour ça qu'il faut que vous allez dans la liberté du Saint-Esprit. Rentrez dans la Bible. Regardez quelque chose. Si vous faites quelque chose et que la Bible indique que c'est mauvais, éloignez-vous d'en. Parce que quand vous avez déjà vu dans la Bible, vous ne pourrez plus jamais dire, même si tu dis comme ça là, il dit, répands-toi de la fornication. Tu fais comme ça, j'ai pas vu. Tu as vu. Tu as vu. Tu es au courant que tu as vu. Bien plus, le Saint-Esprit, c'est qui t'a montré. Donc tu ne peux pas faire. Même si tu fais comme ça, tu dis, le frère, s'il n'a pas vu. Le frère, s'il n'a pas vu. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est que le Saint-Esprit t'a montré. Parce qu'il y a des gens qui vont à la maison, ils rentrent comme ça, ils rentrent. Le pasteur a prêché, il dit, je vais ouvrir maintenant, Seigneur, donne-moi un verset pour ma vie. Donne-moi un verset, tu fais comme ça, parle, il dit, répands-toi, tu fais comme ça, que merde. Tu cherchais quoi? Tu cherchais quel verset? Quel verset tu cherchais? N'est-ce pas, tu voulais comme ça, tu aurais souhaité ouvrir comme ça, là, comme ça, pam. C'est que j'ai serré la tête et non la queue, non? Dis à ton voisin, ça se trouve pas dans la Bible. Dis le verset qui dit que tu serras la tête et non à la queue. Ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la tête des pasteurs. La tête des pasteurs mangeait d'argent. Ça ne se joue pas dans la Bible. Voilà. Répétez à quelqu'un, pointe le doigt maintenant. Dis ce que la Bible, elle dit. C'est que si tu obéis à ma voix. Donc il y a d'abord l'obéissance. Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc c'est Dieu qui doit te faire. À condition que tu obéis. Voilà. Dis voilà donc ce que la Bible elle dit. Vous priez ça, hein? Elle a encore venu aujourd'hui. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai dit qui est en moi. Qu'est-ce qui est en moi? Et tu sors, tu ne peux pas forniquer. C'est la fornication qui est en toi. Donc la fornication est plus grande que celui qui est dans le monde. Tu parles. Deutéronome. Chapitre 28. On y va. Je veux que. Si vous avez ouvert Deutéronome 28, je veux que vous et moi, nous lisons d'abord le verset 1. D'accord? On y va. 1, 2, 3, allons-y. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Allons au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Est-ce qu'on vous dit cette partie-là? On vous dit ça? Non. Mm-hmm. Alors, c'est une chose terrible que de prendre la bénédiction dans la Bible, tu arraches. Si j'arrache, tu arraches quoi? Ça, c'est clairement conditionné. Que si tu fais, il va faire ceci. Et que je suis la tête, je dis en bas. Où est-ce que c'est écrit que tu es à la tête? Et tu dis comme ça chaque fois, tu es en bas. Quand tu ne pousses pas à réfléchir. Donc, on va fermer la Bible maintenant, on va continuer. Le verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 6, que je vous ai demandé de laisser tout à l'heure, bon, on n'a pas fini le verset 9 et verset 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point la terre? Ne vous y trompez pas, ni les adultères, ni les impudiques, ni les menteurs, ni les ceci, les infâmes n'hériteront point le royaume des dieux. Parce que 1 Corinthiens chapitre 6, que je vous ai dit aujourd'hui. Puis il dit, et c'est cela, c'est que vous avez été quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été purifié. Donc il faut une purification. Ceux-ci qui vivaient cela avaient été délivrés. Donc il faut une délivrance, un nettoyage. Amen. Le verset 17 et 18 donc, disent effectivement que ne vous livrez pas. Il dit fuyez la fornication. Fuyez la fornication, ça veut dire qu'on court. Fuyez la fornication. Fuyez ça. Tu t'assois dans une maison avec un garçon, quand on a parlé, le jour, elle te voit en que mamie, bonjour. Non, je suis chrétien, hein. Je suis chrétien, tu tends ta main comme ça, comme pour Maggie. Alors, je suis chrétien. Il t'invite pour aller prendre la glace, il dit merci. Et tu sais là où il t'entraîne. Elle dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu sais ce qui est arrivé, tu as mangé la glace. On t'a dit ce que tu voulais entendre, que tu es belle, que tu as les sourires de Jennifer Lopez, les démarches de Shakira. Tu as dit merci. Et on t'a entraîné là, on fallait être entraîné. Amen. Les reines de Beyoncé, voilà la sœur, c'est ça. Même si tu sais que tu n'as pas le coup de rein, quand tu dis comme ça, tu rentres dans la maison, tu vas dans le miroir, tu fais un peu comme ça là, dans le miroir pour voir que oui, c'est même vrai. C'est même vrai, ça fait quoi? Qui te connaît dans le monde? Faisons attention. Faisons attention. Sanctifions nos vies. Préparons-nous. Jésus a dit là-bas que servez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ils ont dit quoi? Si vous lisez la suite là jusqu'au verset 19, ils vont dire, ah, non, loin de nous l'idée de comprendre qu'on va abandonner l'éternel. Non, nous obéirons à toute la voix. Jésus a encore regardé devant, il a vu que l'image ne montre pas ça. Il dit que vous êtes témoin aujourd'hui devant le ciel, maintenant que c'est vous qui avez choisi l'éternel. Vous n'aurez pas la force pour le servir. C'est pour ça que je vous ai dit que si ça vous dépasse, déposez la Bible, rentrez, laissez-le vous appeler. Laissez-le vous appeler. Vous ferez du mal si vous venez à l'église sans être converti. Vous ferez du mal. Vous pouvez apprendre, vous pouvez être pour vous apprendre un peu comment le canal fait un coin au milieu de votre connaissance. L'épreuve se trouve au niveau du coude. Quand un courant d'eau arrive, le canal va traverser. Traverse un peu, attends pour tu vas voir. Tu vas savoir ce que ça veut dire d'avoir les palmes. Amen. Vous me suivez? Vous n'êtes pas content de moi? Alors le verset 18 de 1 Corinthiens 6 dit, il dit fuyez l'immoralité sexuelle. Dans l'autre version, c'est ce qui est dit. Dans l'autre version, on dit que fuyez, dans cette version, c'est écrit fuyez la fornication. Fuyez la fornication. Fuyez la fornication. On dit, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui pêche par rapport au péché de fornication pêche contre son propre corps parce que son âme, son esprit et son corps est en jeu. Les trois là sont en jeu. Vous suivez? Puis il dit maintenant, verset 19, il dit que car vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, mes chers soeurs, mes chers frères, votre corps ne vous appartient nullement. Donc, par conséquent, vous ne devez pas faire avec votre corps ce que vous voulez. Dieu ne demande pas votre avis. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Pas à votre père, pas à... Non, je fais de ma vie ce que je veux. De ta vie ce que tu veux. Non. Christ est mort et depuis qu'il est mort, il a racheté toutes choses pour lui. Le psaume 24 dit à partir du verset 1, car l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il vit. Si vous suivez ça, c'est à lui que ça appartient. Alors, ça veut dire que si vous dites, ma vie est entre mes mains, ne l'invoquez pas. Allez-vous, vous venez de le challenger. Attendez seulement le jour où il va vous confronter. Alors donc, si vous invoquez le nom comme Père, comme la Bible déclare, c'est 1 Pierre chapitre 3, et si vous appelez comme Père, celui qui juge justement sans exception de personne, conduisez-vous pendant le temps de votre pèlerinage avec crainte et tremblement. Donc pendant notre séjour ici sur la terre, c'est conduisez-nous avec crainte et tremblement. Pendant le durée de notre pèlerinage. Vous dites, non, je suis belle. Il y a des gens, Marilyn Monroe aux États-Unis était très belle, elle est l'une des belles femmes du monde. Les miss du monde, allez prendre Marie-Joseph Pérec, prenez les Naomi Campbell, observez leur image d'avant, observez l'image. Ça va vous indiquer que bientôt vous allez faner. Prenez la fleur qui sort là-bas, les lys des vallées qui sont là, ça brille, waouh. Jésus dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Mais vers midi, ça tombe là, justement. Ces choses-là, c'est pour t'indiquer que ta beauté est une fonction décroissante du temps. Donc bientôt, tu vas quitter la scène. Alors, si tu vas quitter la scène, mais fais de la bonne chose, suivez le Seigneur. Donc, je finis avec le verset que je vous ai donné. Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit au reste, frère, fortifiez-vous par sa, dans la parole de Dieu, par la grâce toute puissante, par sa force toute puissance. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les princes, les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes afin de pouvoir, de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous avons une lutte à mener. Donc les esprits méchants sont derrière vous pour vous pousser à servir Dieu. Mais vous avez un choix. Vous qui avez les pantalons chez vous, vos boucles, continuez. Un de ces jours, personne ne vous dérangera plus. Vous ne serez plus comment ça dérange. Vous allez vous suivre seulement, vous tenir devant lui et il va vous dire ce qu'il en est. Alors personne ne sera là pour vous déranger. Alors maintenant, je suis là en tant que serviteur de Dieu vivant pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus d'excuses devant Dieu. Je ne viens pas discuter. Ne discutez que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec le Très-Haut. Soyez pas d'accord avec lui, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Il n'y a pas de problème. Lui et moi, nous sommes d'accord avec l'Écriture. Et là, nous allons prononcer le jugement. Maintenant, fermez les Bibles, on va prier. Lévons-nous, on va prier. Fermez votre Bible, on va prier. Vous êtes d'accord que nous prions? Vous êtes d'accord? Ne touchez pas les enfants, ne touchez pas. La nuée là qui tombe sur eux, ça tombe sur eux, ça les touche. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous savez donc ce qui vous malmène. Souvenez-vous. À l'est, là où je sens de vous regarder, quand il vous regarde, vous ici, vous n'avez pas de problème. Quand il dit vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de. Vous avez les vrais problèmes avec Dieu. Mais vous n'avez pas les problèmes à la dimension où on peut regarder. Ce sont les gens du monde entier qui sont en train de regarder. Je regarde de part et d'autre comment les gens souffrent dans les maisons avec le pays, les gens qui sont dans le pays de froid, les gens qui sont dans les endroits où on ne peut pas se visiter comme ça, se réunir, mais qui souhaiteraient servir Dieu. C'est ceux-là qui sont en train de regarder, c'est pour eux. Donc, pendant que vous allez prier, priez particulièrement pour eux. Les gens qui sont dans le péché, il y a des gens partout, là, les filles dans le péché. Il y a des filles particulièrement qui, des sœurs qui disent sœurs en Christ. Il y a une sœur particulièrement qui, par exemple, qui vient d'avorter parce qu'elle est tombée dans le péché sexuel. Mais elle ne sait pas, elle se culpabilise. Vous pouvez voir l'écran là devant. Elle se culpabilise. Il faut que la voix du Seigneur va vers elle pour dire, je t'ai pardonné ma fille. Avance. Alors donc, c'est pour ceux-là, donc, dans le monde entier, qui sont en train de prier. Vous, ici, vous pouvez vous soutenir les unes les autres. Toi, tu peux aller chez celle. Celle-ci peut aller chez celle, vous priez ici. Mais dans le monde entier, là, il y a des gens qui habitent l'un et l'autre. Ils sont sur Skype, ils parlent par message, ça ne suffit pas. Il faut la communion comme ça. Et vous avez la grâce ici. Jusqu'à maintenant, vous avez la grâce ici. Donc, pendant qu'on va prier, c'est pour eux particulièrement qui veulent prier. Mais je pense à vous. Donc, on est maintenant là, dans la communion de l'esprit. Vous savez donc, vous, chacun ici, pour sa part, vous connaissez le style de péché qui vous dérange. Ça, c'est un. C'est pour cela qu'il faut traiter ces choses aussi, pour que ces esprits soient séparés. La maladie, les autres, là, c'est autre, c'est aux petites choses. Dieu donne ça gratuitement. Ce sont ces dons là-bas. Mais séparez-vous de ces choses aussi. Dites seulement, je veux seulement que vous dites ceci au Seigneur. Seigneur, s'il y a n'importe quoi comme œuvre de ténèbres dans ma vie, dénonce cela, mets cela en lumière. D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous, dans Jean chapitre 3, verset 20, il a dit que si quelqu'un fait le mal, il hait la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. Mais si vous faites du bien, vous êtes dans la vérité, vous ne craignez pas qu'on vous présente la parole. Parce que votre œuvre est selon la vérité. Mais quand ce n'est pas selon la vérité, vous dites, si Dieu me permettait que dis telle chose à telle personne là maintenant, je dis, donne-moi telle chose, je te montre ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ces choses se trouvent là-dedans. Alors, voici le problème, la pierre d'achoppement numéro 1 des chrétiens, la pornographie. Satan en a servi cela sur Internet n'importe comment. Les chrétiens se délèguent de cela. D'autres hommes le laissent chez eux, ils partent cachés, pour que personne ne voie pas. Alors donc, priez. Si vous rentrez à la maison, vous avez ces choses-là, enlevez cela chez vous. D'accord, mes frères et sœurs? Séparez-vous-en. Brisez cela. Priez, dites, Seigneur, je marche dans la vérité. Prenez cela, vous brisez. Et Dieu me montre un signe. Regardez, les gens qui vivent dans cette pornographie-là, regardez bien, il y a la pornographie. Quand ils prennent chaque fois l'ordinateur ou bien le téléphone pour faire cela, il y a une sensation de chaleur qui passe dans le corps. Le Saint-Esprit de Dieu dit que arrête de faire ça, mais ils ne comprennent pas. Alors, ils disent qu'il fait sourire. Donc maintenant, on va prier. Priez, Seigneur, dénoncez toutes les œuvres. Vous connaissez ces cités-les, ne les cachez pas. Non, non, non, restez debout. Vous pouvez vous cacher quoi? Priez là debout, parce qu'il arrive là maintenant. Je vais me tourner pour prier pour ceux du monde entier là. Priez donc en dénonçant ces choses. Vous les connaissez, cités-les et priez. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie pour tes enfants là qui sont dans le monde entier. Je prie pour cette sœur, au Père qui a avorté et qui se culpabilise. Je prie au Dieu de gloire. Au Dieu de gloire, parce qu'elle est tombée dans le péché et tu dis que tu lui pardonnes. Ma chère sœur, Jésus-Christ de Nazareth te pardonne, toi qui m'écoutes maintenant, il te pardonne. Toi, mon cher frère, qui a dans ton porte l'ordinateur portable, les lettres pornographiques, des choses, tu fais des choses sur Internet, en vendant de telles choses que tu télécharges, tu gardes, tu changes de nom, le Saint-Esprit te dénonce tes œuvres aujourd'hui. Change maintenant et efface tout cela. Je repends toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, que tu te révèles à chacun de tes enfants, à chacun de tes enfants qui t'écoutent maintenant. Je prie pour tous ceux-là dans le monde entier qui veulent te suivre dans la sainteté, dans la sincérité, dans l'intégrité, dans la fidélité. Seigneur, je dénonce ces œuvres de ténèbres dans leur vie. J'en conjure, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, que Satan libère le peuple de Dieu, ton peuple, afin qu'il puisse te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom, priez, je vous continue, c'est pas, je prie pour vous, vous priez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en conjure de libérer le peuple de Dieu. Tes œuvres sont manifestes et dénoncées dans leur vie. Tes œuvres sont manifestes et dénoncées dans leur vie. Je te commande de libérer leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en conjure, je te commande de libérer le peuple de Dieu. Libère ses enfants. Priez. Satan, je t'en conjure. Libère ces enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez ces œuvres-là. N'ayez pas honte. Dénoncez cela. Dénoncez les œuvres des ténèbres. Seigneur, tu connais la pornographie où c'est que cette sœur-ci observe chaque fois. Tu connais, ô Dieu de gloire, le péché que cet homme vit chaque fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je t'en conjure de libérer cette femme. Libère cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez. Satan, je te commande de libérer les enfants du Seigneur, toutes tes oppressions, toutes tes chaînes avec lesquelles tu les prenais, afin qu'ils soient soumis à ta volonté. Au nom de Jésus, que ça soit coupé aujourd'hui. Tu les tenais par le mensonge, par la cupidité, par la fornication, par la saleté, l'impudicité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa vie maintenant. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, quitte ce garçon maintenant. Quitte-le maintenant, toi puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Qui prie là-bas, prie. Laisse-la tranquille. Prie. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan, je t'adjure de laisser le peuple du Seigneur. Regarde-moi ici, regarde-moi. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-la, regarde-la, regarde. Lâche le flèche. Quitte sa vie. Quitte ton corps maintenant. Quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de libérer ce peuple. De libérer ce peuple. De libérer ce peuple. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérer ce peuple. Toi, Pharaon, je t'ordonne de libérer ce peuple. Ils doivent servir le Seigneur dans le lieu d'adoration qu'il a pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en conjure, libère ce peuple. Dénoncez ses œuvres, dénoncez ses œuvres, dénoncez ses œuvres, dénoncez ses œuvres, mettez-la à la lumière, dénoncez ses œuvres. Dites, Seigneur, j'ai fait telle chose qui ne te glorifie pas, vous le savez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, ça fait toi là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez ses œuvres. Il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est écrit que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, que tes œuvres quittent ce peuple. Que tes œuvres quittent ce peuple, car le Seigneur vous a vaincu avec ta corde à la croix. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Il vous a ordonné de dénoncer ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez ses œuvres, bien-aimés. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez, Satan n'aura plus de pouvoir sur vous. Ne cachez pas cela. Oh Seigneur, la pornographie. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. La fornication. Le mensonge. La masturbation. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Ne les cachez pas. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous qui avez pris la résolution de casser ces CD, que Dieu vous bénisse pour cette résolution. Que Dieu vous bénisse pour cette résolution. N'y revenez plus. Vous qui avez pris la résolution de chasser toutes ces musiques-là, que Dieu vous bénisse pour cette résolution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Sors d'elle maintenant. Sors. Sors d'elle maintenant. Elle t'a dénoncé et tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Elle a fait cela dans l'ignorance et ta conjure. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dénoncé. Tu ne peux plus te cacher. Sors, lâche-la maintenant. Lâche ton corps. Lâche ton corps. Elle ne t'appartient pas. Lâche-la. Priez-le. Ça ne vous conseille pas. Priez. Père, lâche-la. Lâche-la. Sors de son corps maintenant. Sors. Elle t'a dénoncé. Elle t'a dénoncé. Elle a fait cela. Elle tue en erreur. Elle t'a dénoncé. Sors. Sors d'elle. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton corps. C'est terminé. Quitte ton corps. Tu es dénoncé. Frère bien-aimé, dénonce. Vous cachez, c'est votre problème. Quand il veut sortir ici, il sortirait. Sors. Cette soeur a réglé son problème avec Dieu là maintenant par rapport à cela. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Et t'en conjure au nom de Jésus-Christ. Sors d'elle. Elle ne vous appartient pas. Au nom de Jésus-Christ. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ. Dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres de votre vie. Dénoncez ses œuvres dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance d'impurité. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de libérer cette fille. Toi, puissance d'impurité. C'est toi qui lui suggère les mauvaises pensées. La pousse à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je t'en conjure de sortir d'elle maintenant. Sors! Sors! Sors d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. dénoncez ses œuvres, dénoncez ses œuvres, dénoncez ses œuvres. Dénoncez ses œuvres. Au nom, dénoncez ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la libération de cette fille. Merci, Père. Priez. Demandez sa miséricorde. Demandez sa grâce pour vous. Demandez. Priez. Satan, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer ce peuple. Tes œuvres sont dénoncées. Tes œuvres sont dénoncées. Et tes pensées dans leur esprit ne sont pas les pensées de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je t'en conjure de quitter ce peuple. Je t'en conjure de quitter ce peuple. Je t'en conjure de quitter ce peuple. Je t'en conjure de quitter ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, priez. Vous êtes libre, je saurai. Vous sortirez ici libre. Ou bien vous bavardez, vous ne pouvez pas bouger, vous dormez même debout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je t'en conjure de quitter ce peuple. Je t'en conjure de quitter ce peuple. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce et ta miséricorde, pour la restauration et pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le maintenant. Je t'en conjure de le lâcher. Il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient plus. Laisse l'âme de ce moi qui prie l'âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus. Dieu nous savoir encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en conjure. Libère ces garçons maintenant. Libère ces garçons. Libère ces garçons. Je t'en conjure de le libérer. Je t'en conjure de le libérer. Je t'en conjure de le libérer. Maintenant, je t'ordonne. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, vous là. Toi, tu es libre, madame, tu es libre. Celle-ci, je vais causer avec toi en semaine, si tu veux passer, je vais causer, on doit causer pour ta vie là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en conjure. Vous pouvez vous asseoir pour le reste. Mais soyez toujours en prière. Soyez toujours en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez en prière. Restez en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, la grâce que tu as déversée à la croix, Seigneur, se déverse dans leur vie, qui est dans l'équité maintenant, dans la justice, dans l'intégrité, dans la fidélité. Satan, je t'adjure maintenant que tous tes gènes dans leur vie, que tu les tenais soumis à toi, soient brisés maintenant au nom de Jésus. Amen. Et marche dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans l'intégrité, en servant le Dieu saint, étant saint, dans un corps saint, esprit saint et âme saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.